Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous écoutez UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de recevoir Rock Soccer, qui est le créateur du magazine Top Secret. Je tiens vivement à remercier mon ami Jean Librero, qui a fait en sorte que cette interview se fasse, et qui en plus a préparé certains sujets qui sont, on va le dire, dans l'esprit de cette revue devenue culte depuis des années dans le monde de l'ufologie. Pour cette raison-là, je me devais absolument de faire participer Jean pour qu'il puisse poser ses questions sur des thèmes qui le passionnent comme les Black Programs et le fameux Monsieur X que les lecteurs de Top Secret connaissent bien. Avant de lancer l'interview, j'aimerais remercier ceux qui ont compris que pour que ce programme continue à exister, eh bien il faut faire des dons, ou bien laisser la pub qui est diffusée sur YouTube sans l'ignorer jusqu'à la fin. Mais je vais être honnête, la pub ne rapporte vraiment pas grand-chose car elle est beaucoup trop aléatoire, donc si vous le pouvez, faites un don, et là on sera bien pour continuer aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et Dieu sait qu'en France, les gens de chez nous n'ont pas cette mentalité qui est de participer via un don pour faire vivre un projet, parce que dans notre pays, c'est bien connu, tout nous est dû de façon gratuite, alors que la vie ce n'est pas ça. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il se passe à l'étranger. Mais bon, les mentalités commencent seulement à bouger, et ça c'est très bon pour l'indépendance d'une émission. Donc vive la liberté, et je vous souhaite de passer un très bon moment avec ce que vous allez entendre, car croyez-moi, Rock, qui a toujours été copié mais jamais égalé, est vraiment passionnant. Rock Soccer, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors pour te présenter en quelques mots, tu es le créateur du magazine Top Secret qui est une référence depuis 2002 dans le petit monde de l'ufologie française. Alors bien que cette revue passionnante est orientée alien et conspiration, il arrive souvent que la science te donne raison comme en 2005 lorsque tu annonçais déjà de l'eau sur Mars. Entre autres, oui, effectivement, ça... Bon, c'était... On peut dire que tu as été un pionnier. J'étais pas le seul à l'annoncer. Et puis, on peut dire que c'était de toute façon tellement évident. Il suffisait de regarder un petit peu avec des yeux objectifs pour se rendre compte. Puis, une fois qu'on sait que la NASA est quand même une entreprise de mensonges éhontée, permanente, c'était pas bien difficile de se rendre compte qu'on voyait de l'eau. Et ça va bien plus loin que de l'eau, puisque... Il existe dans certains endroits de la végétation sur Mars. Eh oui, en plus. Alors ce soir, on parlera aussi de ton livre qui vient de sortir et qui est intitulé « Vivre et mourir dans la matrice artificielle, l'appel de la résistance ». Mais avant d'en parler, j'aimerais que tu nous racontes un peu ce qui t'a amené à lancer Top Secret. Parce que ça, c'est quand même important. Hein. C'est une vaste question. Effectivement, je m'attendais pas à ce qu'on aborde ce sujet. Ce qui m'a amené à l'époque à faire Top Secret, c'est un concours de circonstances long, un long enchevêtrement de concours de circonstances qui fait que à chaque fois j'étais, depuis l'âge de 19 ans, 20 ans, j'étais récupéré au lasso par la presse, et donc de fil en aiguille, moi je voulais travailler dans la littérature, etc. J'avais pas une grande culture de tous ces sujets là par contre une grande fascination, certainement, mais la presse me récupérait à chaque fois. J'avais besoin de gagner des sous, j'avais besoin de travailler, et le boulot qu'on me proposait, c'était toujours dans la presse. Je galérais dès que j'essayais de m'éloigner de ce secteur-là. J'avais l'impression de nager à contre-courant, et ça a duré pendant des années. Donc à chaque fois la presse me récupérait, ce qui m'a permis d'apprendre ce métier dans tous ces, puisque à la fin je suis arrivé à un poste important, et donc j'ai pu apprendre ce métier dans tous ces domaines, c'est-à-dire du graphisme au boulot de celui qui s'occupe de parler avec l'imprimeur, etc. Et donc, à l'époque, en 2000, je crois, ayant quitté mon travail parce que j'en avais un petit peu marre d'abêtir la population avec les journaux dans lesquels je bossais, j'ai eu une période de chômage où j'avais internet et j'ai commencé à aller sur des sites qui m'intéressaient. Les sites qui m'intéressaient, c'est des sites d'ufologie, des sites un peu alternatifs, un peu différents. Et puis ça a été pour moi un choc, une découverte, parce que je me suis rendu compte que c'était des sujets très très vastes, que c'était des sujets qui existaient, qui avaient été étudiés et approfondis par de nombreuses personnes, ce que j'ignorais moi, puisque moi en réalité je m'occupais, je m'intéressais exclusivement à la littérature. Donc j'avais une culture de, entre guillemets, d'homme de lettres. Je connaissais la littérature du 16e. Tu ne t'es pas intéressé au sujet par rapport à une expérience personnelle que tu aurais vécue. C'est pas du tout ça, hein. Alors, moi, je suis fasciné par le sujet depuis mon enfance, mais c'est un truc qui était bien enfoui dans ma besace. Alors, justement, ce qui me posait problème, moi, en tant qu'auteur, c'est que j'étais toujours un peu borderline, j'étais toujours un peu limite, toujours un peu science-fiction. Et évidemment, quand on voit la production en France, ce qu'est la littérature, quand on voit ou même le cinéma, etc., parce que je gravitais j'essayais de graviter et de trouver ma place dans ces milieux-là. Je me confrontais à des difficultés parce que j'étais pas du tout dans l'esprit de la maison. Donc, à un moment, donc il y a cet intérêt, mais que je ne connaissais qu'à travers moi, le cinéma de science-fiction, un petit peu la littérature, mais très peu, où l'été je me permettais de lire pendant les vacances des auteurs de science-fiction. Bon, j'ai un problème avec les noms, mais bon, parmi les plus grands, quoi. Évidemment, les Orwell, les Huxley, Kadic et compagnie. Mais ça restait pour moi de la sous-littérature. Quel idiot j'étais. Parce que je préférais lire Dostoïevski, Balzac et Flaubert et compagnie, enfin les grands auteurs du 19e siècle, jusqu'à à peu près jusqu'à au 20e, des gens comme Céline, des grands auteurs, quoi. Donc c'est presque par la peau des fesses, on va dire, si on parlait un peu vulgairement, que j'en suis arrivé à faire ce magazine Top Secret. C'est-à-dire que j'ai découvert non seulement qu'il y avait matière à avoir une réflexion poussée sur le sujet, mais qu'en réalité, la véritable subversion, si tu veux, le terrain en friche qu'il y avait et qui était à explorer, le dernier endroit où on pouvait être encore à un sens contraire de la pensée unique, de la pensée consensuelle dans laquelle notre société était en train de plonger dans les années 2000, allègrement, c'était encore ce domaine. C'est-à-dire que c'était plus d'être dans une révolte politique, moi qui la politique ne m'a jamais intéressé, mais de rentrer dans un questionnement permanent sur la réalité du monde, sur le questionnement de savoir ce qu'on faisait ici, et finalement d'oser à un moment ou à un autre sauter à pieds joints dans la marginalité la plus intégrale, puisque moi je savais qu'en me lançant là-dedans, j'allais franchir le Rubicon et que ce serait un voyage sans retour par rapport à mes aspirations premières, qui étaient Moi, mes aspirations premières, bien que j'étais un marginal par le fondement même de ma pensée, mon aspiration première était d'être parfaitement intégré dans cette société. Voilà, et aussi la littérature de science-fiction qui t'a beaucoup influencé pour Alors, l'écriture. pas tant la littérature, parce que comme je te disais, la littérature était quelque chose de sacré pour moi, et donc devait plus étudier et plus se pencher sur les problématiques de l'âme humaine que de rentrer dans. C'était plutôt mon attrait était plutôt pour les films de science-fiction. À l'époque, en fait, tout ce que je savais sur les ovnis venait de ce que j'avais pu voir au cinéma ou L'Odyssée 2001, toutes ces choses-là, la planète des voilà. singes, ouais. Et puis ça allait jusqu'à X-Files, tu vois. Ah oui, on est tous X-Files. passés par là, hein. Oui. Voilà. Et donc à côté de ça, c'était marrant parce que à côté de ça, j'étais tout le temps rappelé à l'ordre. C'est-à-dire que depuis mon enfance, j'avais des expériences, notamment d'observation de choses plus ou moins étranges. À l'âge de 10 ans, j'avais vu des espèces de boules de lumière voltiger au-dessus de ma voiture. Moi, j'étais à l'arrière de la voiture, sur la plage arrière d'ailleurs. Et puis, donc, bon, j'ai eu beau alerter ma mère qui conduisait, elle ne s'est jamais arrêtée. Ça, c'est une petite anecdote, mais voilà, bon, le grand choc, la première révélation, c'était à 6 ans quand, simplement, j'ai découvert les étoiles. Ça a été un choc pour moi, juste de voir les étoiles, de voir cette immensité, cette profondeur. Et puis après, ensuite, il y a eu vraiment des. Je ne veux pas rentrer ici parce que j'aurais l'impression maintenant, je l'ai raconté déjà 3-4 fois, de me répéter. Mais j'ai eu une expérience très forte à l'âge de 24 ans et qui a eu avec des, on va dire des répercussions physiques. Mais bon. Bon an, mal an, on arrive toujours à expliquer de façon rationnelle ce qui nous arrive et à tourner la page, à passer à autre chose et à continuer notre petit bonhomme de chemin et notre vie avec moi. C'était ma vie, c'était de trouver un boulot dans ce que j'aimais et de pouvoir intégrer soit une maison d'édition avec mes écrits, soit j'écrivais du théâtre aussi, de pouvoir être joué par des compagnies un peu plus professionnelles que celles qui, à l'époque, pouvaient monter mes pièces. Et à chaque fois, comme c'était la galère, à chaque fois, la presse peut récupérer. Et puis jusqu'à donc cette année 2000 à peu près, où j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. J'étais au chômage. Et puis à un moment, au bout de 2 ans, enfin au bout de, ouais, de 99 à 2001, courant de l'année 2001, je me dis, bon, bah voilà, là maintenant, il va falloir quand même que je fasse quelque chose. J'avais quand même 32 ans, un truc comme ça. Attends, que je dise pas de bêtises. C'était en 2002, donc non, plutôt. Enfin, peu importe, je suis pas très La bon en maths. trentaine, la trentaine, ouais. Non, ouais, la trentaine. Et puis, mais je ne savais pas quoi faire, parce qu'encore une fois, pour moi, ce sujet-là, il faut se remettre dans l'époque, hein, à l'époque. C'était vraiment une chose où tu coupais les ponts avec le reste de la société. Si tu remets ça, si tu replaces ça aux mentalités de l'époque. Et donc je n'y pensais même pas. Et c'est mon épouse qui me dit, en fait, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qui t'intéresse? Alors fais-le. Et c'était ce qu'elle voulait dire, c'était que il fallait que je fasse un magazine, puisque c'était le métier que je connaissais le mieux, sur le sujet qui m'intéressait et qui était les ovnis, le questionnement. Je ne vais même pas dire que c'est la conspiration, c'est juste le questionnement de se dire que il faut. Il y a une chose importante, c'est de rester ouvert à tous les possibles, que bien souvent les choses qui paraissent évidentes sont des mensonges, et que bien souvent ce qui paraît incroyable se rapproche très grandement de la vérité. Jean, as-tu une question, quelque chose à ajouter? Et si tu étais, où est-ce que tu habitais à ce moment-là, Rock, quand tu as... J'habitais à Paris, parce que quand tu veux faire une carrière dans la littérature, ou quand tu veux faire une carrière dans le cinéma ou à la télévision, enfin bon, il faut encore se replacer dans le contexte. On était à une époque où il y avait, on devait avoir, toute ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, on avait 3 chaînes, et puis ensuite 5. Au moment où je monte Top Secret, il devait y avoir juste une douzaine de chaînes avec le câble. Alors donc, pourquoi aujourd'hui ce serait à refaire? J'aurais 20 ans aujourd'hui ou j'aurais 30 ans aujourd'hui. Je serais à ce même croisé des chemins. Certainement que, plutôt que de monter un magazine, j'aurais lancé un site internet. J'aurais fait un site internet. Et ce que Oui. je fais dans mon magazine, je l'aurais fait différemment sur Internet, à travers certainement une partie des vidéos, des articles, etc. À l'époque, on n'avait pas cette opportunité-là. En 2000, il n'y avait pas de e-commerce, il y avait pas de, c'était pas des métiers. Il y avait des blogueurs qui étaient d'ailleurs d'une très grande qualité, et ils étaient d'une qualité qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein, ces blogueurs-là. C'était des gars comme Joseph Rendelvet, Homo sapiens, et tant d'autres Joseph qui avaient, Rendelvet, tu as invité aux journées en oui, oui. et qui avaient des vrais, qui étaient des vrais chercheurs déjà à l'époque, et qui y avait des vrais textes originaux, inédits, de leurs propres recherches, de leurs recherches personnelles. C'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, où ce sont souvent des copier-coller Compilation. d'informations qui circulent, ouais, des compilations. Mais bon, la mode est aujourd'hui sur Internet à la compilation un peu. C'est plus rapide, quoi. Mais à l'époque, on avait des types qui étaient. Chacun avait son site, et chacun avait sa personnalité à travers son site. Chacun faisait son propre travail, et personne n'aurait jamais eu l'idée d'aller repomper le travail d'un autre. On était dans une autre mentalité. Aujourd'hui, tout est libre, tout est partagé. Beaucoup de buzz hein, sur Internet, tout Oui, ça. puis la difficulté du truc, c'est qu'après, on perd la source véritable des C'est informations, vrai, on puis ne ça sait perd. plus de qui ça provient. Hein, Oui, ça. oui. Mais concrètement, de ce point de vue, Rock, finalement, c'est une excellente initiative que tu as eue à cette Alors, moi, je époque-là. n'avais pas tellement le choix. N'ayant pas la possibilité de me mettre sur Internet, parce que ça n'existait pas, et que quand même, ma contrainte personnelle, c'était moi qui étais un homme, quelqu'un de l'écrit, c'était de trouver de quoi nourrir ma famille à travers ce que je savais faire de mieux. L'évidence était qu'il fallait que j'arrête d'attendre après des éditeurs, etc., et que je crée mon propre moyen de subsistance, mon propre outil de travail. Et au risque de déchoir, entre guillemets, hein, parce que j'étais rien du tout, mais au regard de ma famille, des concitoyens, enfin de qui que ce soit, hein, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque où c'était quand même des tabous. Il y avait, c'était sulfureux, et non seulement c'était sulfureux, mais en plus c'était réputé être dangereux. Aujourd'hui, avec Internet, les choses se sont débridées, mais à l'époque, il y avait un contexte de danger quand on parlait d'OVNI, etc. Donc, au lieu de faire un site comme j'aurais fait aujourd'hui si j'avais dû faire quelque chose, j'avais que l'opportunité, la possibilité de faire un magazine. Et au final, je l'ai fait assez, pas contre-cœur, mais j'ai été poussé à ça, j'ai été attiré par les cheveux. Et j'avais pas le choix. C'était une question de, c'est une question de survie. Il fallait que je puisse conjuguer mes compétences avec mes passions et mes centres d'intérêt. Alors j'ai vendu ma voiture. Alors je l'ai vendue pas très cher parce qu'elle était un peu cabossée, hein, comme toutes les voitures à Paris. Qu'est-ce que c'était comme Et voiture? c'était une Ford Focus bleu Ouais. ciel. Ça restera dans l'histoire. Ah, moi aussi, j'ai une Ouais. Ford Focus, tiens. Moi aussi, bleu ciel. Tiens, je l'ai vendue, mais je n'ai pas créé de journal. Je ne pouvais plus payer le garage et les frais, en vérité, de Oui, moto. c'est ça, c'est pas une voiture qui se revend très cher, mais bon. Donc ça m'a permis quand même d'arriver à réunir, comme elle était quand même très récente, elle devait avoir 1 ou 2 ans. Donc, non seulement je vends la voiture, mais évidemment, ça ne suffit pas pour faire un magazine. Moi, j'avais pas de sous, hein, j'avais pas d'héritage, je suis pas issu d'une famille avec dotée d'une quelconque fortune, etc. Par contre, j'ai une amie qui, elle, vient de faire un héritage. Et c'est une très bonne amie, Sophie, une amie que j'avais du bac, et qui me dit, Roc, moi, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais, je crois en toi, etc. J'ai envie de t'aider, il te manque combien? Alors, j'avais que la moitié de la somme avec la vente de ma voiture, et il me manquait encore 50 000 francs, voilà, à l'époque. Parce que il fallait, quand tu fais un magazine, il faut savoir qu'il faut pouvoir le financer, faut pouvoir en financer 2 numéros avant de commencer à pouvoir avoir les retours sur les ventes. Et elle me dit, moi, je vais te les donner, il n'y a pas de raison, tu le mérites, etc., etc. Et je lui réponds, non, Sophie, pas question que tu me donnes cet argent, c'est pas bien, enfin, ça me pose souci. Moi, je vais monter une SARL, deviens mon actionnaire. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le capital de la société d'édition que j'ai montée. Elle est toujours Que avec toi. l'aventure a commencé. Elle est toujours avec moi, puisque Sophie est notamment la correctrice du magazine Top Secret. Elle D'accord. a eu des revers aussi. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et comme c'est une artiste, elle a eu des moments où ça lui a bien rendu service de corriger le magazine tous les 2 mois, de faire les corrections. On en sait un peu plus maintenant sur la création de Top Secret, mais je t'avoue qu'il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure, et je te laissais continuer justement pour que tu nous expliques tout ça, le déroulement. Mais tu disais que tu avais beaucoup parlé de cette expérience qui avait eu des répercussions physiques à tes 24 ans. De quelle expérience s'agit-il, Rock? Pour résumer vite fait, hein, après on passe à autre chose, hein. Alors vite fait, bah, écoute, j'étais à Caen. J'étais à Caen, c'était en novembre. Je peux pas te dire le jour exact, mais ça pourrait bien être le 5 novembre, la fameuse vague du 5 novembre. Je 5 rentrais. novembre 1990. Oui, absolument. Enfin, j'avais 24 ans, 25 ans, quoi. Je venais de dîner chez mon beau-frère et je rentrais chez mes beaux-parents dans le sud de Caen, qui habitait à une quinzaine de kilomètres. Et donc sur la route de Louvigny-Malleto, qui est une route départementale à l'époque. Il était 1 h du matin et depuis Caen, faut savoir la plaine normande, c'est une plaine, alors donc on voit loin à l'horizon. Et depuis à Caen, en plein centre, il y a un hippodrome. Et depuis l'hippodrome de Caen, qu'on appelle la prairie, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était très dégagé, il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait rien. On voyait à perte de vue sur la campagne, direction le sud, la direction que nous allons prendre. Et là, on a vu une étoile, une grosse étoile, une très grosse étoile, depuis le centre-ville. Et je plaisante avec ma femme qui conduisait. Je dis, ah, ben, regarde, on dirait un ovni. Et bon, on continue la route. Là, après, pour ceux qui connaissent Caen, on prend le boulevard. Donc, on change de direction. On perd cette lumière de vue. Et on se dirige vers Louvigny. On tourne vers Louvigny. Et là, on prend cette départementale. Et arrivé après Louvigny, donc après les bosquets qui empêchent d'avoir une visibilité, on arrive à nouveau sur la plaine. Et là, c'était plus une étoile qu'on avait devant nous. C'était à, je sais pas, peut-être à 200-300 mètres de nous, une étrange lumière blanche stationnaire sur le bord de la route qui nous attendait. On va dire, on peut dire qu'elle nous attendait, cette lumière. D'accord. Et voilà, donc pour vous situer, on arrête la voiture. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé ensuite. Avec ma femme, nous avons deux versions différentes. Moi, j'ai encore un doute sur le fait, est-ce que je suis sorti de la voiture ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment, on est dans la voiture tous les deux, et ma femme démarre la voiture. On avait coupé le moteur, il n'y a aucun son, et toujours cette lumière blanche, c'était un peu comme une lune, si tu veux. Les nuages étaient bas à cette époque-là de l'année. Et alors, c'est pour ça que je ne veux pas lier le truc au 5 novembre parce que c'est un peu marginal. D'abord, il était 1 h du matin. On sait bien que le 5 novembre, les choses se sont déroulées plutôt vers 19 h, même s'il y a eu C'est il y a eu vrai. des témoignages de choses qui se sont passées plus tard. Et l'engin se déplaçait d'ouest en est, alors que dans mon cas, dans ma situation, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, l'engin se déplaçait d'est vers l'ouest, donc dans le sens inverse. Alors est-ce qu'il avait terminé le boulot et il revenait? Je ne sais pas, mais il Alors, restait. je tiens à te dire que c'est pas la seule direction, comme tu disais, d'est en ouest, c'est ça, non? Non, la Oui, première direction. d'ouest en est, d'ouest en est. D'ouest en est, Le grand gros exactement. des Ouais, témoignages, c'est d'ouest en est, ouais. oui. Ouais, c'était du Bordeaux-Strasbourg, la plupart des témoignages, mais Voilà. en fin de compte, il y a eu beaucoup de témoignages dans tous les sens, hein. Ça allait même vers l'Angleterre pour certains témoignages, D'accord. hein. Dont D'accord. des personnes que j'ai Alors. reçues dans UFO-Conscience, donc tu ferais partie de ce petit lot de personnes qui ont vu dans d'autres directions, Ah, hein. ben complètement. D'abord, moi, j'ai vu quelque chose de stationnaire avec mon épouse, hein. On était deux témoins, donc ça intéresse, c'est amusant. En plus. Oui. Et. Donc on arrête le moteur, pas de bruit, etc. Et tout d'un coup, je suis dans cette voiture. C'était une deux chevaux, hein. Jean, tu pourras le noter pour tes archives. Bon. Et Voilà. je pense que ça peut intéresser aussi les auditeurs. C'était une deux chevaux, décapotable. La bonne époque. Ouais, la belle époque, hein, putain. Oh, pardon. Ah oui, Et... on pouvait conduire sans clé avec un tournevis. Ah ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion d'en avoir besoin. Mais alors, toujours est-il que tout d'un coup, mon épouse démarre la voiture. Alors que moi, j'étais depuis quelques minutes. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça a duré. N'oubliez pas que je n'avais aucune culture. La seule culture que j'avais dans le domaine de l'ufologie était ma culture cinématographique, des films de genre Star Wars, quoi. Je suis fasciné. Je suis dans un état de fascination, d'euphorie, parce que, je vous le rappelle, c'est un sujet qui m'intéressait au plus profond de moi-même, que j'avais mis un peu de côté par rapport à mes propres aspirations. Mais c'était quelque chose qui m'attirait vraiment au plus profond de moi. Et donc j'étais dans un état complètement d'extase. Et elle démarre la voiture, genre comme si, bon, bah, ça y est, on se casse, c'est bon, on est fatigué. Mais ce n'était pas du tout le cas parce qu'elle était un peu dans le même état que moi. Sauf qu'elle démarre la voiture et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'elle me dit curieusement et avec une grande frayeur, elle me dit, il arrive sur nous. Alors là, on fait une pause dans mon récit. comment vous pouvez voir qu'une lumière qui est à une distance très difficile à calculer, comment vous pouvez savoir qu'une lumière qui vous fait face, elle était de côté, mais on l'a regardée de face, elle est à basse altitude, arriver sur nous, c'est impossible. C'est comme une voiture qui est en face, c'est très difficile de, si elle est loin, de voir si elle avance sur nous. Vous voyez ce que je veux C'est-à-dire dire? que la lumière grossissait de plus en plus, non, Mais c'est moi, pas je ne le ça? voyais pas. Moi, je ne voyais pas du tout ça. Je n'ai pas du tout vu que la lumière grossissait. Mais Je sais pas pour pourquoi, ta mais. femme, c'était le cas, non? Pour ma femme, tout d'un coup, elle me dit, il arrive sur nous. Ouais. Et quand elle me dit ça, je suis pris, mais alors, d'une terreur, quelque chose de vraiment. J'ai eu ça une deuxième fois dans ma vie, mais une terreur, vous savez, vous avez le sang qui vous monte à la bouche. Vous avez ce goût de plomb et de cendre qui vous remplit tout le corps. Et là, je me cale au fauteuil et je lui dis fonce, fonce. Et elle fonce. Avec la deux chevaux, hein, on n'allait pas très vite, mais elle fonce, elle fonce. Et là, moi, je me retourne. Je me retourne. Et effectivement, je vois cette lumière. Cette lumière qui était très brillante, mais pas du tout aveuglante, qui envoie dans le ciel un faisceau lumineux, un projecteur qui monte jusqu'au nuage, quoi. Et là, c'était comme si il nous disait au revoir. C'est très marrant, c'est vraiment l'idée que j'en ai eue, quoi. Comme s'il nous disait, salut les gars! C'est fascinant, vraiment fascinant comme C'était très. observation. Et C'était très. troublante, hein, très troublante, hein, comme Et en tout observation. cas, je vois que l'engin, elle avait raison, arrivait effectivement sur nous et que il se dirige à l'endroit où on était garé et il passe au-dessus de la route. Et là, surprise. Donc il nous fait ce petit signe d'au revoir, qui paraissait même amical. En tout cas, donc il y avait une interaction. Ça voulait bien dire qu'il nous avait vus. Je tiens aussi à préciser que de toute notre route depuis Caen, depuis le centre-ville de Caen, à minuit et demi, 1 h du matin, nous n'avons vu personne, mais personne sur la route. On n'a pas croisé une voiture. Alors peut-être dans les années 90, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui, mais enfin bon, c'était quand même pas le Moyen Âge. Personne sur cette route jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, etc., etc. C'est souvent ce qui se passe dans les Un rencontres. truc, voilà. Et je suppose un silence de plomb aussi, hein. Alors, Comme c'est comme si si le tu étais temps s'était dans une arrêté. autre. Oui, voilà. Comme si tu étais dans une autre Espace-temps, dimension. Ouais. Et là, donc je suis toujours en train de regarder à l'arrière. Et donc, on avait pris un peu de distance. Donc, je dis à mon épouse arrête, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il ne nous suit pas. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Qu'on restait quand même à distance, mais pour l'observer. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Mais ce que j'ai vu, moi, au moment où il passait au-dessus de la route, c'était la grande surprise. C'est que tout d'un coup, tout s'est illuminé. J'ai vu de chaque côté de la lumière à peu près, je sais pas moi, une dizaine de lumières s'allumer de chaque côté, des lumières derrière, de toutes les couleurs, et ça tournait. Et un spectacle son et lumière de folie. Hein, donc là, toujours dans la volonté de rationaliser, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est un hélicoptère qui doit faire de l'épandage au-dessus des champs. Et donc, il a, comme dans les films, tu sais, les grands bras sur les côtés qui vont Ouais, pour répandre arroser les les produits champs, chimiques. Voilà, hein. voilà. Mais bon, c'était voilà, c'était mon côté rationnel de vouloir expliquer tout. Mais seulement, il faut bien se douter que les paysans ne font pas de l'épandage par hélicoptère à 1 h du Ouais. matin, En pleine nuit, oui, c'est pleine clair, nuit. ouais, Et c'est c'était clair. un truc extraordinaire. J'ai jamais rien vu dans ma vie Un ici. spectacle qu'on pourrait voir Un aussi dans le spectacle. film Rencontre du troisième type, tu sais, avec le gros vaisseau plein de couleurs là, à la fin, là, au-dessus de la colline, là. Enfin de la colline, la montagne. Ben oui, sauf que donc le vaisseau, lui, il était aussi dans la verticalité. Là, c'était très très plat. C'est-à-dire que toutes les lumières étaient à peu près au même niveau, si tu veux. C'était un truc. Mais c'était quelle couleur les lumières? Alors, j'ai souvenir donc du blanc, du rouge, et il y avait au moins du blanc, du rouge, et puis d'autres couleurs. D'autres couleurs. Il y avait 4-5 couleurs différentes. Ah, quand mais même, c'était quelque chose de même. Très surprenant, parce que plus je regardais, plus il y avait des lumières qui s'allumaient. C'était très curieux. Au début, c'était sur le côté uniquement, des lumières blanches, et puis des lumières de couleur, et puis derrière, des lumières. Et puis tout s'est mis à tournoyer. C'est pour ça que j'ai pensé à un hélicoptère. Je me suis dit, ça, c'est les pales arrière de l'hélicoptère, mais c'était les pales arrière, elles étaient 100 mètres derrière, quoi. Voilà, c'était un truc. Effectivement, on pourrait. C'était moins beau que dans Star, dans pardon, Rencontre du troisième type, mais c'était quand même extraordinaire. Et surtout le silence, l'absence totale de bruit. Hein, nous, on avait le moteur coupé quand on voyait seulement cette lumière et il n'y avait aucun bruit. Toujours est-il que donc ma femme n'a jamais arrêté la voiture. On a fini par perdre ce truc de vue. Moi, j'ai fini par perdre de vue. Et puis, on est rentré se coucher. Et le lendemain, j'en ai quand même parlé aux beaux-parents qui m'ont pas pris vraiment très au sérieux. Mais tout de même, on a tellement insisté quand même que le lendemain, on était rentré à Paris. On a reçu un coup de téléphone de la belle-mère nous disant que elle avait vu dans le journal que beaucoup de gens avaient vu quelque chose ce jour-là. C'est pour ça que je rapproche ça au phénomène du 5 novembre. Et sur le coup, est-ce que ça t'a semblé hostile ou plutôt quelque chose de surprenant ? Alors, en dehors du truc de la terreur que j'ai eue après, hein, je pense que là, peut-être qu'il était 1h du matin et qu'il se permettait un peu plus de choses. Mais je vais te dire que ce qui était bizarre, c'est comme si ma femme m'avait donné un mot de code. Il arrive sur nous. Ça a été un message comme si j'avais été conditionné pour lui dire fonce, fonce. Et j'ai été pris d'une terreur. D'une panique. Oui, mais c'est ça. Panique, mais totale, quoi. Alors que comme si c'était un avion qui s'écrasait sur nous, quoi, qui allait se crasher. C'est ça, en fait, l'impression, quoi. Je sais pas. C'était peut-être autre chose. C'est irrationnel. Non, mais je sais bien que c'était autre chose. Mais je veux dire, l'impression, comme si, tu vois, on était en menacé, quoi. Hein. C'est ça le problème. Oui, c'était que je peux pas t'expliquer. Il n'y avait pas de raison de cette peur. C'était irrationnel, mais c'était puissance 10 000. Et la peur de l'inconnu aussi. Ouais, mais c'était comme si on m'avait donné un mot, comme si j'avais été sous hypnose et que quand tu entendras ça, tu diras ça. Parce que faut savoir que mon épouse n'a pas du tout la même histoire que moi. Elle ne raconte pas la même histoire. Je me souviens plus exactement de ce qu'elle a vécu, mais pendant longtemps, on s'est accroché là-dessus. On dit, mais non, c'est toi qui as démarré la voiture. Elle me dit, mais non, c'est toi qui m'as dit de démarrer. Oui, alors écoute, Rock, parce que s'il te plaît, je voudrais bien que tu précises, parce que tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas sûr que c'était toi qui avais le volant, qui démarrait la voiture. Non, moi, je ne conduisais pas, c'est mon épouse qui conduisait, ça j'en suis sûr. Non, là, ce dont je ne suis pas sûr, je ne suis incapable de m'en souvenir aujourd'hui, c'est si je suis descendu de voiture. Voilà, mais alors ça, ce que je voulais, j'attendais que tu finisses, enfin que tu avances dans ton récit, mais je pensais te demander si tu ne penses pas qu'il y a eu à un moment donné une mémoire perdue, un missing time. Eh bien voilà, mais évidemment, voilà, c'est là évidemment la question que je me pose. C'est la question qu'on peut se poser. Ah ben oui, c'est tout à fait. Aucune culture sur le phénomène OVNI, et donc je ne peux pas imaginer ça une seconde. Et comme on ne croisera personne à notre retour, et comme on rentrera dans la maison et qu'on se couchera derrière, je ne pourrai jamais te dire quelle heure il était quand on s'est couché. voilà. Oui. C'est intéressant. Ouais. Oui. On s'est couché, d'ailleurs on n'en a pas parlé cette nuit-là, quand on est rentré, on n'en a pas parlé. Et Rock, est-ce que tu as déjà fait une régression hypnotique pour en savoir plus ? Non. Non, d'abord parce qu'en France, c'est pas si évident que ça à faire. Vous trouvez des personnes qui sont compétentes et branchées un petit peu sur ouvert un peu à ce sujet-là. Je ne l'ai pas fait, je n'en ai pas eu non plus. Je n'ai pas été traumatisé par cette histoire. Hein. C'était juste, je pense, le signe de dire ça existe. Et puis après, il y a eu les séquelles, entre guillemets, les séquelles, enfin les conséquences physiques dans les mois suivants qui ont suivi, quoi, qui sont arrivées et qui étaient très spectaculaires, très, très, très étonnants. Mais quand on ne connaît rien au sujet, parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais à l'époque, il y avait encore une fois, on est en 90 là. Hein. En 90, moi je connaissais juste quelques films, et puis il fallait voir, hein, c'était les films carton-pâte, hein, beaucoup, pour beaucoup. Qu'est-ce qui est Séquelles arrivé? physiques, qu'est-ce que tu entends par là, par séquelles Ben, physiques? un matin, je me réveille, quelques temps après cette aventure, un matin, je me réveille et je me retrouve avec le dos qui présente sur toute sa longueur et sur tout un côté, une moitié du dos, un rectangle, mais un rectangle parfait, totalement rouge, genre Coca-Cola. Le rouge Coca, quoi, tu vois? Le rouge rouge. Et tout mon dos comme ça, toute la moitié de mon dos, un rectangle. Ça fait partie des trucs. Là, tu vas voir un médecin. Là, tu te dis, là, il y a un problème, quoi. Mais donc, Rock, là, on peut bien se reposer la question centrale qui était là il y a une minute. Tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'une partie de mémoire qui était effacée, peut-être de 30 minutes ou peut-être plus, et qu'il y a eu une rencontre rapprochée qui était suivie, donc ce qu'on appelle une abduction, un enlèvement, qui était suivi d'un effacement de mémoire, qui soit de 30 minutes ou de 2 heures, peu importe, mais suffisant pour que la rencontre rapprochée donne lieu à des actions, comme c'est souvent rapporté dans les rencontres rapprochées. Absolument. Moi, j'ai découvert ça bien plus tard. Bien plus tard, quand j'ai commencé, je te dis, en 2000, à m'intéresser à découvrir sur Internet tout le sujet. Et c'est à partir de ce moment-là que je me dis, mais mince, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a eu deux autres trucs. Il y a eu, donc là, visite chez le médecin. Le médecin, il comprenait pas. Il m'a dit, bon, rentrez chez vous, ça va passer. Effectivement, c'est passé tout seul. La deuxième chose qui m'est arrivée, j'étais au bureau en train de travailler, d'écrire, et puis tout d'un coup, je sens un truc sous ma langue. Tu sais, au niveau de, sous la langue, on a deux petites languettes, là, on a deux petites excroissances qui permettent de saliver. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Sous la langue. Le petit fil qui... Non, les fils de la langue, c'est ça que tu Bah, parles? les deux excroissances que nous avons tous sous la langue, et nous Ah pouvons oui, saliver. d'accord. Oui. Sur des glandes, des Ouais. glandes. Ouais. Et il y en a une qui me gêne à ce moment-là, la languette, comme j'appelle, gauche, qui me gêne. Ça me fait Alors, penser à avec quelque ma chose. langue, comment? Olivier, ça me fait penser à quelque chose, à un thème bien récurrent. Et donc, avec ma langue, je pousse et tout ça, et puis je sens quelque chose à l'intérieur de cette languette. Et là, je suis pris de vertige, je suis ouais, j'ai un peu crise nerveuse, truc bizarre, quoi. Je suis dans une espèce de sensation très, très particulière. Et donc, allez, rebelote, remédecin. Alors cette fois-ci, c'est pas un dermato, c'est un généraliste, et je vais consulter le généraliste qui regarde sous ma langue et qui me dit non, non, vous n'avez rien, tout est normal, simplement vous devez avoir peut-être une infection, si ça m'a passé. Hein. Je rentre chez moi et puis ça continue. Et puis le soir, avec ma langue, à force de tirer sur cette languette, de pousser dessus, tout d'un coup, je sens quelque chose qui en sort. Je sens quelque chose qui sort de ce machin. D'accord. Et là, à force donc de pousser avec ma langue, au bout de 10 minutes, donc je montre toujours à mon épouse, je montre cette espèce. Alors, pour vous dire, ça a la taille d'un grain de riz, c'est blanc, c'est une coque de calcaire, et c'est putrécible. C'est-à-dire En l'espace de quelques minutes, la coque de calcaire se désagrège et disparaît. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ça qui moi m'intéresse et me fascine tout particulièrement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un fil noir, un tout petit fil noir. Or, Ne me demandez pas ce qui est devenu ce fil, hein, parce que. Bah oui, avec le temps, c'est. Puis en plus, quand vous n'avez aucune connaissance, moi, qu'est-ce que j'ai interprété de tout ça? Je me suis dit, bah, c'est simple, j'ai un poil dans le nez qui a dû pousser de travers, il s'est pris dans la peau, il a calcérisé, il a fait tout le chemin, il a fait le tour de la mâchoire, et puis il est ressorti, ou il est ressorti sous la, par là où il a trouvé une sortie. C'est là où j'en étais, moi, de mes réflexions. Oui, à l'époque, Hein, c'était pas qu'est-ce que ça... étudié. Ah, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre si ce n'est un poil? Un poil de barbe qui a poussé à l'envers, quoi, qui a poussé dans la mâchoire et qui... Beaucoup de personnes ont dû faire la même réflexion dans des cas, je dirais pas semblables, mais de même nature. Et puis donc plus de vertiges, plus de sensations, etc. Or, moi, ce qui m'interpelle, c'est que il y a de cela 3 semaines. Je tombe sur un site internet scientifique sur une expérience faite par des scientifiques en laboratoire de nanotechnologie. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent comme degré ultime nouveau de la pointe en matière de nanotechnologie? Un fil noir, exactement de la taille de ce que j'avais dans la bouche. Et voilà, c'est marrant, quoi, voilà. C'est amusant. Est-ce que tu as souvent témoigné de ce fait, Rock? Parce que Oui, alors c'est pour ça, moi je n'en ai pas. Dans ma démarche de Top Secret, c'était toujours de mettre les auteurs en avant, c'était toujours d'être relativement neutre et effacé par rapport au magazine, de faire ce travail d'écriture derrière, parce que tous les auteurs ne sont pas des grands auteurs, si tu veux, donc pas une grande Oui. connaissance de la syntaxe, mais par contre ils ont des choses toujours très intéressantes à dire. Donc moi je faisais ce travail de les mettre en valeur à travers l'écriture et surtout surtout surtout de m'effacer. Donc pendant des années je ne voulais surtout pas que ce genre de choses puisse être divulguées. Donc je n'en ai pas parlé dans le cadre de mon travail dans Top Secret. Et maintenant, ça fait quelques temps que je commence à en parler parce que, bah, en même temps, moi, je trouvais ça quelque part assez banal, ce qui m'était arrivé. Parce qu'il y a aussi la dernière chose qui s'est produite dans le même laps de temps, c'est-à-dire, j'ai fait un rêve. C'est la totale, quoi, la totale de tout ce... Aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, je suis couché sur une table. Ausculté par des petits êtres. Ah, t'as pas eu besoin de faire une régression hypnotique alors? Bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Mais si tu veux, moi, cette expérience-là, je vais pas te dire exactement ce soir ce que moi j'ai compris et ce que moi j'en ai retenu. Parce que ça nous emmènerait trop loin. Et c'est personnel en plus. Et Oui, c'est personnel. C'est oui. personnel. C'est personnel, et puis si je le disais comme ça, ça pourrait être amené à mauvaise interprétation. Et donc, je considère que ce n'est pas encore le moment de dire ce que moi j'ai retenu de ce qui s'est passé lors de cette rencontre-là, sans avoir fait de régression Oui. hypnotique. Donc, on peut comprendre Mais. alors, hein? On peut comprendre, Olivier, le sens global quand même. En tout cas, Tout voilà, à à fait, chaque tout à fois. fait. J'avais coupé le micro, hein, excusez-moi. Mais oui, on peut comprendre, c'est clair qu'il y a corrélation, hein, ouais, effectivement. C'est-à-dire Et qu'il y a donc, en tout cas, forcément. alors ce rêve que je fais, excusez-moi, je vous interromps, c'est pour finir cette histoire, ce rêve que je fais avec ces petits êtres qui viennent me prélever du sperme. D'accord? Donc, je vous fais pas de schéma, hein, quand vous faites un rêve, vous avez 24, 25 ans, c'est très réaliste. Et voilà, ils me prélèvent ça. Mais tu n'étais pas au Et. courant du tout de toute la littérature que l'on Mais connaît non, mais aujourd'hui. non, mais pas du tout, c'est un truc Tu ne infernal. connaissais pas du tout les petits gris, toutes ces Mais choses-là, bah non. je Ouais. n'avais jamais lu d'essai sérieux sur la question. Je te dis, la seule culture que j'avais, c'était les livres de Kadic, Voilà, ouais. les films de cinéma où on ne traitait pas de ça, quoi. Ouais, on est bien d'accord, aucune influence extérieure, quoi, ouais. Non, c'est ça qui est amusant, mais je crois que c'était un passage obligé parce qu'il fallait que j'aie un élément un peu plus qu'un élément théorique de compréhension du phénomène, il fallait que je l'ai vécu d'une certaine façon. Parce que j'allais, avec mon travail, devoir m'enfoncer dans des sujets, dans des domaines où il fallait que je sois un minimum, Initié. ben, en tout cas que je me souvienne qu'il m'était vraiment arrivé quelque chose quand même dans cet ordre-là. Oui, t'étais obligé de passer par là pour pouvoir faire quelque chose de très bon avec ton magazine, c'est ce que je Je pense, hein. peut-être, mais enfin, je n'oserais pas aller jusque-là, mais en tout cas, il fallait que je sois d'une certaine façon convaincu. Et moi, étant un grand sceptique, moi doutant de tout, je crois qu'il fallait que j'aie au moins cette expérience-là pour me dire, bon, alors oui, il faut le faire. Ouais, faisons-le, Ça soyons convaincus de ce qu'on fait, quoi. Voilà, parce que tu as eu ça quand même, c'est arrivé. a fermé ta détermination. Voilà. Et oui, ça a construit ma détermination. Même si, encore une fois, mon interprétation du phénomène, elle est pas, elle est encore exotique, elle est encore marginale, elle est encore particulière. Mais en tout cas, après ce rêve-là, à l'époque, je n'avais aucune culture, donc je le répète. Après ce rêve-là, je me suis dit, c'est très simple, j'ai 25 ans, je voudrais peut-être avoir un enfant bientôt, c'est peut-être le moment, ça commence à me travailler, et donc je fais un rêve de petits êtres qui viennent me prendre du sperme. Voilà, c'est comme ça que j'ai analysé la chose, tout bêtement, d'un point de vue freudien, psychanalytique, si tu veux. Oui, mais alors qu'en vérité, maintenant qu'on connaît bien toute cette littérature, on Ben, sait bien très sûr. bien que les rêves sont aussi, ben, même du point de vue psychanalytique, et ben, servent aussi à évacuer un trauma. Absolument, ce sont des Donc, réminiscences et des et réminiscences évidemment qui sont, qu'après, voilà, qui sont pas forcément, qui sont pas joyeuses, qui sont plutôt souvent. Et quand tu parles de petits êtres, ils ressemblaient vraiment à ce qu'on peut décrire maintenant, c'est-à-dire les petits gris avec des gros yeux noirs en Pas amande du ou tout, pas du pas du tout? tout, pas du tout, pas du tout. Ah. Non, c'était horrible. Je vais vous dire, c'était vraiment horrible. Des sales Je têtes, vous dis, quoi. je ne vous donne pas, je ne vous donne pas. Oui. D'accord, ça me d'accord. Ce fait sera pour rire plus parce que tard. On attendra que tu écrives ça un me fait rire, article mais je ne un vous peu donnerai plus pas amusant. les détails. Bon, physiquement, je pourrais vous dire que c'était vraiment des sales gueules. C'était pas Jojo du tout, du tout. Ça faisait plutôt un peu bébé difforme, quoi. Atteint d'une maladie très génétique. Ça fait un peu penser à, tu sais, le bûcheron là qui s'était fait enlever avec les aliens qui avaient une sale tronche là. Je sais plus comment il s'appelle ce bûcheron là qui, avec ses Oui, amis témoins là. je vois très bien de qui tu Je parles. sais plus J'ai un son problème nom. avec les noms, Ah, je le répète. moi aussi j'ai un problème de mémoire, ouais. Mais je vois très bien de qui tu parles. C'est très connu, hein. C'était vraiment une. Je ne vais pas rentrer D'accord. dans les détails Bon, parce que ben c'est écoute. moche. C'est moche. C'est moche ce qui s'est passé dans mon rêve. J'étais gêné par ce qui s'est passé dans mon rêve. Je le suis toujours. J'ai mis ça d'un point de vue psychanalytique sur mon désir d'avoir un enfant, mais c'était glauque. En fin de compte, oui, on sent pas tellement le désir de l'enfant, là. Si c'est Non, aussi pas évident. vraiment, mais tu Voilà. vois, tu te dis, voilà, bon, t'essayes de comprendre, t'essayes, parce que là, c'est un rêve qui a aussi, du coup, bah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des répercussions dans le réel. D'accord? Oui, je vois de quoi tu parles. Oui. C'est-à-dire que ça te semble tellement proche de la réalité que ça en vient à influencer ton quotidien, quoi, en quelque sorte. Non, non, là c'est, tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça dans le domaine médical, mais c'est un rêve qui débouche sur... Ah, au niveau physique, tu veux Bah parler? oui. Ah, Ah d'accord. ouais, Ok, ouais, d'accord. donc Ouais, c'est ouais, pire là, c'est pire. Ah oui, donc c'est bien traumatique en tout cas, plutôt aussi. Et j'ai retrouvé le nom, c'est Travis Walton pour le bûcheron. Oui, Travis, ouais, Travis, ouais. Ouais, qui est très connu pour les. C'est une des abductions les plus connues, hein, avec Betty et Barney Hill, Oui, la oui. première abduction. Et je peux t'assurer que c'était vraiment une sale gueule. Ouais, Mais j'imagine. Enfin, pourtant, j'imagine. mais pourtant, je ne garde pas un mauvais souvenir de cette expérience et je n'en ai pas une mauvaise interprétation. Oui, C'est-à-dire c'est-à-dire que ce n'est pas un traumatisme, hein. C'était compartimenté, si tu veux. Tu vois, dans le même. Si jamais on peut aller plus loin dans l'extrapolation de l'aventure, et qu'on peut supposer qu'il y a peut-être eu un missing time, je dirais que à l'intérieur de cet engin, il y avait deux. Il y a eu deux expériences, et l'une n'était pas la plus mauvaise. C'est-à-dire que celle-là était assez traumatisante. J'en ai fait le rêve que j'en ai fait. Mais l'autre partie de mon impression était pas négative du tout. Alors, à savoir, est-ce que c'était de la manipulation? Ça, c'est la question qui reste en suspens, hein. On peut se la poser, cette question. Est-ce que le fait de te rassurer quelque part, est-ce que ça ne serait pas de la manipulation? Je ne sais pas. Il y a toujours une part de manipulation quand il est question quand il est question d'influencer Bah oui, ouais. Quelqu'un. Ouais, c'est clair. Rock, s'il te plaît, est-ce que tu as lu le livre sur les implants, le livre de Roger Ley? Je connais ce livre. Oui. J'ai publié un article à propos de ce livre, Ah. en tout cas qui en prenait des extraits, Je ne savais mais pas. j'ai Ah oui, tu as demandé l'article. tellement de lectures Oui. par rapport à mon magazine, puisqu'il faut savoir quand je fais un magazine, quand je publie un article, et souvent je ne me contente pas de le publier, souvent il faut aussi le réécrire, l'article. Quand je publie un article, ce n'est pas le cas de tous les articles, hein, je tiens à le préciser. Quand je publie un article, j'en ai éliminé neuf avant. J'ai reçu neuf articles que j'ai lus, sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler et au bout duquel je finis par renoncer parce que malheureusement, ça ne va pas pouvoir, je vais pas pouvoir réussir à le faire rentrer dans la ligne et à en tirer quelque chose. Mais donc, j'ai lu neuf articles, j'en publie un. Ça, c'est Oui. un travail considérable. Ah oui, Et sûr. j'ai pas le temps de lire Ah oui. juste pour lire, quoi, pour ma fantaisie, Ben. pour distraction, pour mon. Alors Jean, on va Ouais. quand même attaquer maintenant la matrice, parce qu'on dispose d'un certain temps, parce qu'on sait que notre ami Rock Soccer a du travail après, hein, c'est ce qu'il nous a dit avant l'émission. Il Oui. va travailler de nuit, et oui, pour son magazine qu'il faut absolument boucler, ce qui est normal, ce qu'on comprend. Donc on D'accord. va quand même passer à la question suivante. Et on va commencer à parler de ton livre et de cette fameuse matrice, car je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire simple pour commencer avec la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que la matrice et surtout dans quel but a-t-elle été créée? Olivier, si tu me permets, par amitié, avant de parler de ce sujet-là, je sais que Jean voudrait me poser deux, trois questions sur un sujet particulier des Black Programmes, et ensuite Oui. on enchaînera sur la matrice. Alors, Mais c'est par avec amitié, plaisir. Jean, Oui, oui. avec grand plaisir. Alors, je vous laisse tous les deux converser, et puis Ah ben aucun non, problème. tu Oui, restes. mais Tu... il me l'a Non, dit pendant la non. pause, il m'a demandé ça, tu n'étais pas là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui. Oui, d'accord. Ben merci, Non, non, mais je merci. suis là, je reste là, mais je coupe le D'accord. micro juste pour pas Merci, l'écho. Ouais, Rock pas et qu'il y ait d'écho. Olivier. Rock, pour ce qui est du livre de Roger Ley, c'est vrai que c'est très intéressant. Je l'ai acheté, moi, puisqu'il est traduit en français. Je l'ai acheté en français et c'est vrai qu'il est très riche parce que vraiment, on est étonné de voir la diversité de ces objets, hein, de ce qu'on appelle les implants. C'est, comme tu disais tout à l'heure, la nanotechnologie, mais je crois que lui-même a étudié ce phénomène. Hein, enfin, a étudié. Ben, les caractéristiques physiques et chimiques de ces objets, donc les nanotechnologies que nous découvrons au début du XXIe siècle, la fin du XXe siècle, eh ben, très bien comprendre que les civilisations exotiques eh bien, maîtrisent ces technologies en bien plus que nous. Mais en l'occurrence, il y a énormément d'objets de toutes sortes de caractéristiques. Hein. C'est très intéressant, le livre de Roger Ler, qui a été traduit en français. Hein. Je m'en doute pas. Malheureusement, il n'est plus, il a quitté ce monde, donc on ne pourra pas l'entendre sur UFO Conscience, hein, Olivier? Ça aurait été formidable. Et figure-toi que j'avais prévu de l'inviter en plus du temps que Marc Gray faisait les traductions. On avait prévu de l'inviter, malheureusement, bon, comme tout le monde le sait, il est parti avant, quoi. Donc voilà. Il y a un grand chercheur américain, un ufologue qui s'appelle Derrell Sims, qui est très connu qu'on trouve sur les forums aussi, mais qui a beaucoup collaboré avec lui. C'est l'homme au chapeau, c'est un ancien agent du FBI et il a beaucoup collaboré avec Roger Ailes dans ses recherches sur les implants. Donc le 20, c'était en novembre 2015, donc tu as organisé les journées de la résistance à Paris dans le 15e, près du métro Cambronne. Donc c'était à l'Institut de la transfusion sanguine, à l'Institut du sang, c'est ça, en Roc. Oui, absolument, l'INTS, comme quoi, la résistance est partout. Voilà, donc moi j'ai eu la joie d'être présent, d'assister à quelques-unes des conférences qui étaient sur de 2 jours. D'ailleurs, ce José Frandel que tu nommais tout à l'heure, qui était un blogueur dans les années 90, était présent là. 2000, ouais. Oui, il était Et il est présent donc. toujours aujourd'hui, il a toujours son site. Oui, et donc il a fait une conférence sur la Lune, sur beaucoup d'aspects mystérieux. Donc, en l'occurrence, dans ces journées de la résistance, eh bien, il y a eu un événement tout à fait qui n'était même pas inscrit au programme des journées. Hein, c'était une journée sur 2 jours, avec évidemment un certain nombre de conférenciers à chacune des journées. Et donc, le dernier jour, c'était le dimanche, donc c'était le 19 et le 20, c'est ça? 19 et 20, samedi et C'était dimanche. le 28 et le 29 novembre, Voilà, le 28, le 29. une quinzaine de jours après les dramatiques événements survenus à Paris. Voilà, exact. Le 28, le 29. Et donc, le 29, eh bien, le dimanche 29, moi, je suis arrivé vers 13h30, pour faire une petite pause. Et là, j'ai entendu l'une des animatrices, l'une des hôtesses, ton ami, qui était conférencière également la veille au soir. Oui, Marie Lorstaud, Voilà, Mary Lostod, qui est. qui organisait, qui chapeautait l'équipe d'organisation des rencontres. Voilà, Mary Lostod qui parle à l'assistance, aux gens qui arrivent. Il va y avoir un événement spécial, un invité imprévu, dépêchez-vous, parce que Rock va faire l'annonce très vite. Un invité imprévu. Donc, c'était le suspense. Et donc, Rock, à ce moment-là, quand le silence s'est fait dans la salle, tu as pris ton téléphone portable, et après nous avoir expliqué ce qui se passait, et tu as appelé donc cet interlocuteur. Donc, juste auparavant, tu nous as expliqué qu'il s'agissait du fameux Monsieur X, qui a écrit plusieurs articles dans la revue Top Secret depuis plusieurs années. Donc, je crois que les premiers articles étaient en 2004. Non, non, non, non, du tout, du tout, du tout, Jean. Non? Non, non. J'ai rencontré Monsieur X en 2005, Ah oui, à ah oui. Châlons-en-Champagne, lors de l'événement de Châlons-en-Champagne. C'est lui qui, à Châlons, avait le stand le plus impressionnant. Il avait le grand stand de Châlons. Et non seulement ça, mais il présentait sur ce stand des photographies satellites comme je n'en avais jamais vu. C'est-à-dire d'une taille de poster. Enfin, vraiment des trucs de niveau militaire, quoi. Hein? Oui. Des photos satellites de base qu'il prétendait extraterrestres, ou en tout cas moitié humaine, moitié extraterrestre, sur Terre. D'accord. Des photos Haute résolution. particulièrement impressionnantes et haute résolution, puisqu'elles faisaient. Elle faisait, je sais pas moi, 1 m 20 sur 90 cm. Et donc on voyait tous les détails. C'était vraiment quelque chose d'inouï. Ce monsieur, on était à Châlons-en-Champagne. Ce monsieur dont je n'avais jamais entendu parler, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, se présente alors que nous sommes dans un salon On le voit en sur les photo, on le voit en ovnis. photo dans un des numéros. Qui sont particulièrement sur un sujet qui est particulièrement sensible. On sait qu'il va y avoir énormément d'agents qui vont être présents, hein, parce que quand même le sujet des ovnis, ça Oui. reste un sujet particulièrement sulfureux. Vous saviez que vous alliez être Et surveillé, quoi. ce monsieur se présente comme un officier, un colonel de l'armée. moitié armée française, moitié OTAN, quoi, tel dans mon souvenir. Voilà, peut-être que je peux dire des bêtises, mais en tout cas, c'était officiellement, il était présenté comme ça, comme un colonel de l'armée. Je ne sais plus si c'est l'armée française ou l'armée de l'OTAN, mais enfin bon, il y a un moment, si vous voulez, je me dis que le gars, s'il est complètement mytho, il va finir par se faire embarquer, quoi. Et bon, au contraire, au lieu de se laisser embarquer, c'est tout le contraire qui arrive, puisque c'est lui qui a clos en réalité le salon de Châlons en Champagne, puisqu'il a commis la dernière conférence, qui est une conférence plus ou moins à huis clos, il y avait deux types de conférences, et il y en avait une qui était. Voilà, c'est lui qui a clos le salon. Et bon, on connaît les ufologues, on sait comment sont les ufologues. Croyez-moi que quand vous avez un mytho dans le milieu, il fait pas long feu, il est vite découvert, parce que les ufologues ont quand même cette réputation qui est tout à fait exacte. Ce sont des gens qui ont tendance quand même à couper les cheveux en quatre, quoi. Et quand ils font des recherches, ils les font au gramme près, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'à un moment ou à un autre, on nous dise ce monsieur, C'est un imposteur. c'est un imposteur, etc. Parce qu'il avait des. Alors, moi, on était voisins de stand quasiment. En tout cas, il venait souvent nous voir. Moi, je le fuyais un petit peu. Je prenais mes distances, histoire toujours dans le même. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, La qui était prudence. cette prudence. Et donc, je laissais mes collaborateurs le plus souvent avec lui, qui lui parlait et puis qui ensuite me racontait de quoi il retournait. Et c'était souvent mes collaborateurs me revenaient avec les yeux écarquillés. Hein, Il y a une tellement photo c'était. dans un des numéros où on le voit de dos. Il y a deux de Oui. tes collaborateurs, ils ont vraiment les yeux écarquillés, ils sont de profil. Oui, On voit absolument. ils sont transis. Absolument. C'était extraordinaire. Alors, bon, moi, j'ai été en contact ensuite avec Monsieur X pendant 5 ans, jusqu'en D'accord. 2010, sans jamais le publier. Sans jamais le 2005-2010. publier. Et tu communiquais comme par téléphone? Par téléphone, oui, par Tu ne l'as pas téléphone. rencontré à nouveau physiquement? Si c'est pas indiscret, Je ne hein. l'ai pas rencontré physiquement pendant 5 ans. Mais j'étais régulièrement au téléphone avec lui, comme bien d'autres. Je n'étais pas le seul. Et puis, je me suis renseigné auprès d'ufologues qui étaient beaucoup plus installés que moi, beaucoup plus âgés, des gens qui avaient des contacts haut placés dans certaines officines, etc. Et personne, moi, j'attendais ce qu'on me dise, bon, ton gars, c'est un charlot. Non, là, c'était tout le contraire. C'était, ouh là là, on ne sait pas trop, mais ça a l'air sérieux, quoi. D'accord? Eh oui, c'était très particulier, quoi. Et puis des gens bien informés. Et pendant 5 ans, j'ai ces relations qui deviennent de plus en plus amicales, forcément, mais toujours sous le sceau d'une très grande suspicion, une très grande prudence. Hein, parce qu'il faut savoir quand même, hein, je tiens à le dire, pour les détracteurs qui ont dit, nanana, il faut savoir que des gens qui me présentent des dossiers dans le genre de ceux qu'a présenté Monsieur X, j'en ai des tonnes. Ça m'est arrivé en 15 ans, ça m'est arrivé 7 ou 8 fois. Mais le problème, c'est que justement, comme moi, je mets du temps, je finis toujours par avoir le fin mot de l'histoire. Ah ouais, pas trouver la Et faille. bah oui, et par dénicher la faille, quoi, et par découvrir le poteau rose. Donc, je me suis pas précipité sur Monsieur X parce qu'il avait quelque chose de sensationnel à dire et que tiens, ça tombait bien, on allait faire un peu de buzz, quoi. Hein. J'attendais de savoir si tu vas trouver la faille ou si ça allait se Bah, confirmer à bien d'autres sûr, points. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bon, après, ça a été d'une telle cohérence tout ce qu'il disait. pardon. Malgré toutes les informations que j'ai pu prendre à droite et à Et gauche. oui, si tu as continué la communication pendant 5 ans, c'est qu'à aucun moment tu n'as trouvé un élément qui te détourne vraiment ou définitivement du Bah dossier. oui, tout le contraire même, tout le contraire. Alors bon, en même temps, après. ma rationalité, mon scepticisme, mon doute, mon le côté forcément, je vais toujours être à me dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Tellement c'est énorme. Et en même temps, je sais bien aussi, comme je vous l'ai dit au début, je sais bien que souvent, ce qui n'est pas possible est la vérité. Et que Ouais. souvent, ce qui semble tout à fait basique et acceptable, et où généralement, même intuitivement et instinctivement, les gens vont aller se précipiter, sera un piège et un mensonge. On le voit tout le temps, on C'est voit à ça, quel point des fois des en rumeurs, des définitive. fausses rumeurs sont reprises et colportées par des milliers et des milliers de personnes, quand des vérités, elles, sont laissées de côté et complètement méprisées par tout le monde. Ah. Donc là, on était face à ce cas de figure. À un moment, au bout de 5 ans, il faut être cohérent aussi. Je me dis, bon, c'est pas possible. Là, il faut que les gens sachent, au moins qu'ils en fassent après ce qu'ils veulent. Une Et donc. question, oui, une question, Rock. Est-ce que tu sais s'il était en contact avec d'autres organes de presse que toi ou d'autres acteurs de l'ufologie que toi? Non, je pense que j'ai été ciblé. Au salon, il a dit hein, le jour quand on s'est rencontré, quand Jean, tu étais présent et que tu as écouté notre conversation téléphonique, qui était d'ailleurs Oui. pour moi très émouvante. Hein, je dois dire que c'était la première fois Ah, mais tu qu'il étais me très disait ému, ça. on le sentait, hein, oui. Oui, j'étais très ému parce que généralement, bon, ce sont des conversations intimes de téléphone qu'on a tous les deux. Et puis là, tout d'un coup, il parlait. Tu as remarqué cette voix, tu as remarqué ce phrasé très particulier qui est le sien. Et tout d'un Oui. coup, le problème, c'est qu'il y avait 200 personnes en face de nous. Oui. Ah oui. Et c'était chargé d'émotions pour moi Ah parce oui, que je savais que émotionnellement, les gens ça. allaient Ouais. recevoir ce choc, quoi, en direct. Il y a un phénomène d'amplification pour toi qui avait été habitué à un contact en privé avec lui. Bah oui, alors tant que ça reste en privé, bah je canalise, c'est-à-dire que j'arrive Ouais. à amortir, moi. Mais là, je savais qu'il y avait 200 personnes derrière qui écoutaient, qui se prenaient cette charge Ah, c'est en pleine vrai que figure. c'était un impact terrible pour moi et pour tout le monde. Et donc, j'en étais bouleversé parce que Ouais. d'un coup, je ne pouvais plus du tout faire tampon vis-à-vis de mes lecteurs. Enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a bien senti. J'ai été au bord des larmes. Oui, surtout J'ai eu quand tu as cette. raccroché, on a vu que c'était vraiment, tu étais au bord des limites de résistance nerveuse, quoi. C'est Ah oui, sûr. parce qu'il n'y avait aucun filtre, je n'avais pas de contrôle par rapport à ce que je lui avais juste demandé quand même de lever le pied et de ne pas aller trop trop loin dans. Je lui avais demandé quand même parce que bon, parfois il y a des choses qu'il raconte, c'est pas audible quoi. Donc j'avais demandé, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de lui-même, et il m'a dit, mais Rock, je ne dirai aux gens que ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qui est important qu'ils entendent. Et donc au bout de 5 ans, je dis, bon, bah voilà, alors là, il faut qu'on fasse maintenant des interviews et par écrit, et puis que ce soit divulgué. Et puis on verra, c'est là, finalement la dernière ressource que j'avais pour avoir la vérité. Ah oui, Parce avec que, un article, tu pourrais bah oui, je pourrais me disais, analyser d'une avec un manière article. plus méthodique, en équipe, Non, mais etc. je me disais, voilà, moi, Top Secret est lu à travers le monde. Ah voilà, avec Il y a l'écho des des lecteurs. lecteurs, oui. J'ai des lecteurs en Chine, j'ai des lecteurs en Mongolie, j'ai des lecteurs en Australie, au Canada, Oui. et dans toute On la va s'y mettre tous, francophonie, on va en s'y mettre tous Afrique. à D'ailleurs, analyser. je salue tous mes lecteurs et notamment au Burkina Faso, où Ah oui. j'ai des abonnés, et j'espère que j'en profite. Je ne sais pas Ah s'ils ont oui. l'occasion d'écouter cette émission, Rapidement. Oui. mais j'en profite pour avoir une pensée pour eux, et en espérant qu'ils n'ont pas souffert des derniers événements qui sont produits il y a quelques jours. Voilà. Mais La Guadeloupe, voilà, Burkina Faso. je ferme la parenthèse. Oui. Les attentats. Ouais, les attentats qu'il y a eu. Des dizaines Et de morts. j'ai des abonnés, moi, du Burkina Faso, mais comme d'ailleurs, hein, mais J'en voilà. profite aussi pour leur passer un petit coucou parce qu'il y a aussi des auditeurs partout dans le monde, hein, du Faux Exactement. Conscience. Et bon, voilà, on est avec eux, on pense à eux, voilà. Hein. Dans cette épreuve, Absolument. oui. Donc, c'est preuve que bon, les Paris aussi a connu. Et oui. Enfin bref. Et donc, je me dis, il y a bien quelqu'un sur cette planète Tu vas qui va trouver la trouver faille. ce secret et qui va dire, mais attends, ça veut dire c'est mon voisin, tu vois le truc, quoi. Hein. C'est un représentant de Il commerce. y a un moment, il faut lancer la grosse cavalerie. Rien, rien. C'est ce que c'est, Rien. rien. À aucun moment. Les ufologues qui sont pourtant, je peux te dire, très, très à l'affût de la moindre faille de top secret, parce que hein, je pense Ah que oui. pour toi, Olivier, c'est la même chose. C'est-à-dire que personne ne te fait de cadeau. Oh là là, si tu savais le nombre de commentaires négatifs que je reçois, souvent, hein, toutes les semaines j'en reçois. Hein. Ça c'est Exactement. vrai, ouais. Sur la chaîne YouTube du Faux Conscience, j'ai l'habitude, et d'ailleurs je suis totalement vacciné, et je passe même le message qu'ils peuvent continuer parce que je suis complètement blindé maintenant. Depuis le temps, ça me fait plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, ben voilà, alors je me disais, ces gens-là, les ufologues sérieux, à un moment, ils vont me tomber dessus, et puis au moins, on saura ce qu'il en est. Alors, autre chose, Oui, en c'est parallèle à courageux. En tout ces... cas, c'est courageux parce que tu aurais pu t'abstenir de prendre ce risque. Ben oui, mais il y a un moment, il faut être cohérent. Je ne peux pas Là. rester à discuter pendant des années avec quelqu'un sans jamais le publier. Lui ne me demandait rien, il faut le savoir, il ne me demandait rien. Mais il y a un moment, il fallait que je lui pose la question, que je lui dise, écoute, c'est bien ce que tu me dis, mais est-ce que tu accepterais? Donc après, il a demandé les autorisations. Puis voilà. Sauf que les autorisations, il y avait deux camps, quoi. C'est comme dans tout, il y a toujours deux camps. Et là, il y avait ceux qui étaient pour, et puis il y avait ceux qui étaient contre. Et il fallait qu'il fasse attention quand même à ce qu'il allait dire. Oui, puis c'est des grosses administrations, on imagine, des grosses administrations militaires, etc. Toujours est-il que je publie ça. Les ufologues dits sérieux ne bronchent pas. Personne ne dit mot. Mes lecteurs, aucun ne vient me dire, mais c'est mon voisin avec qui je tonds la pelouse. Il n'y a personne de des milieux donc militaires ou autres qui vient Et non plus voilà, c'est ça que je se me dis. Il y a bien des militaires, je vais avoir une descente, je vais avoir des gens critiquer. qui vont venir et me dire, monsieur, vous avez vu ce que vous avez publié là, vous portez atteinte à la dignité de notre corps, etc. Ou même qui Non, voudrait silence. démentir ses propos et même à la Exactement, on est limite en France, le mettre en accusation comme. oui, on n'est pas chez les Anglo-Saxons, il y a quand même en France, je dirais pas, enfin, je dirais qu'il y a quand même une surveillance plus étroite que dans les pays anglo-saxons en matière de ce qui est diffusé dans la presse. Toujours est-il que là, silence radio. Alors c'était que quand le premier numéro Rock, c'était le numéro Ah, je me souviens plus, mais enfin c'était bon, en c'était il y a à peu près 2010. 5 ans. Il y a à peu près 5 ans, D'accord. on publie toute une série pendant un an. Ça dure un an, cette affaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 5 ans avant de nos discussions privées, un jour, Monsieur X me dit, Rock, tiens, voilà, je vais t'envoyer, je vais te passer des fichiers. De véritables extraterrestres. Tu en fais ce que tu veux, etc. Je pouvais, si tu veux, pendant toutes ces années, je les ai gardés dans mon ordinateur. J'aurais pu Oui. les publier, j'aurais pu faire. C'était des gros plans haute définition, c'était des images assez sympathiques, mais bon. Je reste toujours sur ma réserve. Prudent. Je ne publie pas ces images. Je les garde pour moi. Et donc, passe les articles de Monsieur X. Et à un moment, dans Top Secret, il y a un article sur des abductions ou je ne sais quoi. Et là, je me dis, tiens, ça pourrait être marrant de passer ces photos-là. Ah, maintenant. Maintenant. Voilà. Et je passe ces photos, mais je dis pas, je les mets pas, je ne les mets pas en couverture, je ne les mets pas en gros dans le mag. J'ai toujours une intuition, j'ai quelque chose qui me dit, cherche pas à faire du spectaculaire avec cette histoire, avec ces photos, place-les comme ça en disant, voilà, d'après notre informateur, ce seraient des vraies photos, mais bon. Mais ces photos-là sortent en petit, en illustration, parmi 100, 200 photos qu'il y a dans le magazine, dans ce numéro-là. Et finalement, peuvent passer totalement inaperçus, si ce n'est cette légende qui dit, voilà, d'après notre informateur, ce seraient des vraies photos. Et là, et là, il y a le petit coup de Trafalgar. Et voilà. C'est comme si j'avais allumé une loupiote, si tu veux, comme si j'avais allumé un gyrophare. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se manifeste publiquement. La machine se met en marche. La machine se met en marche. Et là, cette personne me dit non seulement que ces photos sont des faux, c'est-à-dire que ce sont des photos d'un film, oui. Mais en plus, la personne me dit qui m'a filé les photos. C'est-à-dire, c'est ça qui est étonnant, c'est que non seulement elle sait d'où viennent ces photos, ce que moi, qui pourtant ai attendu 5 ans, je les avais sur moi, j'ai jamais vu ce film. Jamais vu, et pourtant, Dieu sait que j'en ai regardé, j'en ai bouffé des films de science-fiction. C'est quel film ? Je le dis dans le mag un peu plus tard, mais parce que j'ai joué la transparence complète. Mais je vais te le dire tout à l'heure, je l'ai là. Ouais, je ne pourrais pas m'en souvenir de mémoire. Ouais, et ouais. Ce qui m'interpelle, c'est comment cette personne sait qui m'a donné ces photos. Et non seulement elle me dit qui a pris les photos, mais comme dit Jean, la machine se met en route. Je comprends pas trop, Rock, tu dis la personne qui m'a donné ces photos, de qui s'agit-il ? C'est Monsieur X m'avait donné ces photos. Mais elle savait que c'était Monsieur X qui t'avait donné. Elle ne pouvait pas le savoir. Mm-hmm. C'est ça l'étrangeté de l'affaire. Et elle te dit donc c'est. Non, tu veux dire que quelqu'un s'est fait passer pour lui, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que en fait, Monsieur X, lui, de bonne foi, d'après ce que j'en comprends. Me passe des photos d'extraterrestres telles que lui les a vues dans ses mémoires, dans son système, subconscient, ouais. dans son système de mémoire qui sont des mémoires implantées, parce que une fois qu'après on a compris comment fonctionne la matrice, on sait comment ça peut marcher, comment les mémoires peuvent être réintégrées, etc. Et donc dans ses mémoires, il peut y avoir des parasites. Et il peut, lui, avoir comme mémoire d'avoir vu ces entités, de les avoir vues vraiment. Et d'ailleurs, ces entités, peut-être qu'elles existent. Et peut-être que dans ces films-là, on utilise ces entités sur 3 ou 4 plans pour en faire ensuite de la 3D, sur des plans très très courts, et que ça en reste là, et que ce sont toujours les mêmes images qui sont montrées. Enfin bref. Visitors of the Night, c'est le nom originel du film. Voilà. Et 195. C'est-à-dire que la question est de savoir si le film, lui, ne s'inspire pas de véritables entités. Oui, voilà. Vraiment. Ou si ce ne sont pas de véritables entités qui ont posé à ce moment-là pour ce film, pour des séquences de 2 secondes, toujours montrées de la même façon. J'en sais rien. C'est ce qui est dit dans un des articles, c'est ce qui est suggéré. Ce n'est pas dire, mais c'est suggéré qu'effectivement, c'est une photo qui tirait d'un film. Donc, on peut imaginer des moulages, etc. Mais on peut aussi imaginer, comme tu dis, le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un film de fiction ou de science-fiction que toutes les images ou toutes les scènes qui seront sont nécessairement fausses. Il peut aussi se trouver des photos qui sont effectivement d'authentiques photos d'eux et qui seront placées là dans un film de fiction. Voilà, et toujours est-il que Monsieur X, à qui on a glissé... Pour des raisons mystérieuses, mais voilà. Me les a envoyées en me disant, voilà, ça, ce sont des véritables entités. Parce qu'il le pensait, qu'il était sincère avec ça. Est-ce donc, elle devait ressembler, en tout cas, s'il est véritablement sincère et s'il en a vu les entités, elle devait peut-être ressembler effectivement aux entités qu'il a fréquentées. Bah bien sûr, parce qu'en plus, ce serait tellement grotesque de m'envoyer des photos de films. T'imagines le truc, le piège évident, quoi. Ça ne tient pas à la route 5 minutes. Moi, j'ai des lecteurs sur certains. Je demande à un lecteur l'émission du 14 janvier. 1997, est-ce que vous l'avez enregistré? Je reçois la cassette dans la semaine qui suit. Eh Hein? oui, parce Donc, que... faut bien réaliser ça, quoi. C'était énorme. Ou alors c'était vraiment une intention de nuire au magazine. Oui, parce qu'il aurait très bien pu comprendre qu'à un moment donné, un auditeur, un lecteur aurait envoyé le film, dit, bon voilà, donc toute cette histoire est Évidemment. fausse, puisque voilà, on ne se Évidemment. tient pas debout. Ça était arrivé avec à l'époque au numéro 6 de Top Secret. On avait fait une enquête du Focom. On avait repris une enquête du Focom. Là, je vous parle de la grande époque des ufologues sur Internet. Hein, Ufocom, Ah oui. c'était le début de l'Internet, le début de l'ufologie. Et donc, ils faisaient des enquêtes très, très poussées, très sérieuses. Et donc, au début de Top Secret, on avait repris une enquête du Focom. Avec des photos qu'avait pris un gars dans une caravane d'un ovni qui était particulièrement spectaculaire, particulièrement magnifique. Et on avait toute l'analyse scientifique du truc, de l'image et tout ça. Ça n'a pas traîné. En 8 jours, j'ai un lecteur qui me dit, Monsieur, ça vient de tel film de 1950, Ah là là. ces photos, etc. Mais c'était génial parce que ça a permis d'informer Ufocom. Ufocom tout de suite a regardé le film. Etc. Ils ont connecté le machin. Bref, tu vois, on ne peut pas Voilà. mentir très longtemps dans Oui, Top bah oui. Secret. Parce qu'il y a un travail en réseau grâce à Internet, grâce à tout Exactement. cela. Oui. Puis tu as toujours un gars qui a la mémoire, qui se souvient d'avoir vu. Moi, personnellement, en tout cas, pour la photo de Monsieur X, je n'avais jamais vu ce film. Et le piège se referme. Ce type, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est comment il savait que c'était Monsieur X qui m'avait filé les photos. Ah oui, ça je l'ai pas lu dans l'article, hein. Ça apparaît pas dans les articles. Ben non, Peut-être. mais à un moment, le gars, il te dit ça, et il te dit, oui, je vais en informer tout le monde. Tu comprends? De toute façon, t'es coincé. Soit tu continues à nier Mordicus, et auquel cas, c'est ridicule, ça tient pas la route. Soit tu dis, effectivement, il y a un problème avec ces photos. Effectivement, c'est bien Monsieur X qui me les a filés, mais maintenant faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il était identifié, donc il y a quand même un identifiant pour Monsieur X, quelque part. Mais non, mais c'est parce que D'accord. c'est-à-dire que Monsieur X, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans un domaine secret où il n'est qu'en contact qu'avec Roxa Hucker, de Top Secret. C'est Oui, d'accord. quelqu'un qui a un Oui. travail de divulgation de choses. Et donc, il est en contact avec des dizaines, D'accord. peut-être des centaines de personnes. Oui, donc voilà, quand même, voilà, son identité peut être, voilà. Son identité, elle est plus ou moins secrète quand même. Mais lui, en tout cas, en tant que Monsieur X, je pense qu'il était repéré par des gens qu'il connaissait, qui attendaient que cette photo soit publiée. Parce que moi, je ne dis jamais dans l'article, quand je publie ces photos, que c'est Monsieur X qui me les a données. Ah ouais, donc les gens savaient très bien les contacts qu'il avait avec toi, ils savaient tout ce qu'il faisait, quoi, finalement. Voilà, donc ça a été un tollé. Effectivement, là, Top Secret a traversé une tempête. Ah oui, ça a dû décevoir parce que vraiment, moi j'ai lu les articles 50, des Top Secret 56, 57, 58, et je t'ai appelé la semaine dernière parce que je préparais, parce qu'Olivier m'avait proposé de te poser quelques questions, mais je t'ai même appelé un soir à 22 h parce que j'étais, mais vraiment, mais j'avais comme une indigestion, comme si j'avais envie de vomir, comme si j'avais une nausée au ventre, tu vois. Mais c'était pas une nausée comme une répulsion, quelque chose. Ça m'a produit une sorte d'angoisse, mais c'était pas non plus une angoisse. C'était un état de profonde tristesse, tu vois. Les Tout à fait. contenus qui Moi, j'ai sont d'une toujours. telle. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Pourtant, j'ai lu des documents très lourds, hein, dans le domaine de l'ufologie, autour des abductions, tout autre chose, mais d'une telle force. Il faut absolument que tu lis ces articles, Olivier. Voilà. Ben, j'en ai Ah lu oui. certains des Black Programs dans Top Ouais. Secret, parce que Ah ça oui. fait depuis 2007 que je lis ton magazine, hein, Rock. C'est vrai que j'en ai lu certains, Je mais sais que tu lis Top Secret, mais. Moi et la mémoire, ça fait deux. Je ne retiens pas tout. Hein. Je suis un peu Ouais. comme Rock. Je fais tellement de trucs à droite à gauche que j'ai du mal à me souvenir de tous les détails, tout ça. Bien Mais sûr. Et effectivement, je moi-même, me mais souviens. Je me ouais. souviens Et... d'un personnage qui parle, qui dit qu'il était depuis tout petit, non? Si je me souviens bien, Oui. depuis tout jeune. Eh ben oui, les Dans enfants, des. enfants, Voilà. programme, ouais. Oui, d'accord, oui, ça, je me souviens de ça, mais pas de tous les détails, hein, donc Et surtout, les articles sont effectivement. longs. Comme Il y a... comme on Et sait puis c'est que. très lourd comme sujet, hein, Ouais, c'est ouais. très très lourd, hein. Alors, comme le sujet est très lourd, comme je sais que c'est un sujet qui est particulièrement troublant et qui peut perturber mes lecteurs et que mon intention n'est pas de nuire quand même mes lecteurs, je préviens dans le magazine à chaque fois, je mets un Exact, avertissement. tout à fait. Ouais, Oui, ouais, ouais. attention, ne prenez pas ça pour argent comptant. Oui, avertissement, ouais, ça j'ai toujours fait gaffe à ça. Ouais, c'est vrai Ça, c'est très que. Et bien. c'est Belle bien hein, ce que tu citation. fais d'ailleurs, Oui, ouais, c'est très bien. bien, Rock. Oui, Il parce faut qu'il avertir, il faut avertir. faut Hein. protéger le lecteur autant que possible, parce que Ah, des tiens. personnes. Moi qui suis quand même un peu averti, je t'assure que je me suis vu sentir tomber de mon. Comment je ne sais pas, je ne travaille pas sur une chaise, je travaille sur un tabouret en cuir, tu vois, qui est large, qui fait dans les 60 cm de large. Non, et puis Mais je me on connaît sentis tous les tomber. trois. J'ai On connaît l'impression que je tombais de ma chaise, quoi. tous les trois des ufologues qui, enfin des passionnés d'ovnis, tout ça, des personnes qui s'intéressaient à l'ufologie, qui ont sombré dans la folie, hein, ça s'est vu à plusieurs reprises. Moi, j'ai connu Absolument. des types qui sont devenus complètement cinglés, hein, à cause des sujets dans le domaine des ovnis. Donc, effectivement, ça peut être dangereux. Quand on Voilà. pense au Ben destin. oui, moi, si vous voulez, je partais enfin, donc, toujours dans cette idée de protéger le lecteur, c'était de dire que, ben, de trois choses. Un, on n'est pas obligé de le croire. Peut-être que, même si moi, je suis le filtre par rapport à mes lecteurs. Donc, j'ai 5 ans de conversation avec ce monsieur. Donc, en tant que filtre, j'ai trois éléments à donner à mes lecteurs. Un, cette personne, je sais qu'elle est sincère. Elle croit en ce qu'elle dit. Au bout de 5 ans, quand même, on finit par se rendre compte si quelqu'un. Ou alors, enfin, Oui. vraiment, alors qu'il n'a jamais demandé à être publié dans Top Secret, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il continue à me baratiner comme ça, alors que rien n'en ressort dans le magazine. Ou alors, bon, mais en tout cas, je dis, même si cette personne est sincère, deuxième élément, ce que cette personne raconte est peut-être des choses qu'on lui a implantées, des mémoires qu'on lui a implantées, qui ne sont peut-être pas la réalité de ce qu'il a vécu. On peut Possible. aujourd'hui très bien concevoir d'implanter des mémoires à quelqu'un, et comme en hypnose par exemple, la personne est convaincue d'avoir vécu tel ou tel événement. D'accord? Et troisièmement, je me dis, si c'est le cas, Problème si de ce sont manipulation des... mentale qui ont été mis en place par ou en Voilà, tout cas en Amérique il y a bien il faut longtemps. essayer, si c'est le cas. Son témoignage est quand même particulièrement intéressant puisqu'il nous permet de voir où veulent nous mener ceux qui tirent les ficelles. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir où nous-mêmes nous en sommes et nous allons pouvoir savoir où ils veulent nous mener. Oui, on prend la Donc, mesure de la manipulation, de la voilà. désinformation. Alors, c'était un peu dans cet esprit-là, mes avertissements qui étaient assez longs, je me souviens. Oui, en tout cas, c'est très bien parce que dans chacun des numéros, hein, là, moi j'ai le numéro 56, 57, 58, il y a le 60, il y a le 62, il y a le 80 aussi qui reprend. Et chaque fois, tu mets l'avertissement et je te félicite vraiment, c'est très important d'avoir pris Ben, le soin voilà, de c'est pour ça que. suivre, d'accompagner le lecteur dans ce chemin qui est vraiment difficile, hein. C'est une sacrée épreuve, hein, de lire ces numéros. Là, Ben, c'est à clair. l'instant, tu parlais du projet MK Ultra, toi, Jean. Ben, de tous les projets, oui, de tous les projets de manipulation mentale qui ont été mis en œuvre aux Eh oui, États-Unis, et tu te souviens de non. l'interview qu'on avait fait de Charles Hall, celui qui avait vu les fameux Tall White, hein, sur Ah. la base secrète, là, je ne sais plus le nom. Oui, sur les bases Voilà. S4, sur la base. Et quand on sait que, avec les documents déclassifiés de la CIA, on sait qu'il y a eu des projets MKUltra avec de la drogue, que ces militaires ont été drogués, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Il y a eu manipulation, là, en tout cas pour ce cas de Charles Hall. C'est ce que je pense, hein. Après, chaque auditeur, chaque lecteur est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, bon, moi, je pense qu'il y a eu manipulation rien que pour le projet MKUltra, là, avec Charles Hall. Oui, on pourra en reparler, mais si tu veux, Charles Hall, Rock, en vérité, j'ai fait observer à Rock, entre autres, que dans plusieurs de ses interviews, eh bien, on retrouvait textuellement les mêmes Ah mots, oui, ah oui, les mêmes ça phrases, c'était les mêmes troublant, intonations, extrêmement troublant. comme si Ouais. c'était vraiment un Comme un copier-coller, robot, hein, ouais. comme un DVD qui est gravé et regravé. Un Et programme, ouais, bah c'est voilà, ça. Ouais. si on écoutait simultanément deux enregistrements de deux émissions différentes qu'il aurait fait aux États-Unis, puis avec nous, puisqu'il parlait en anglais, mais Ouais. c'était le même disque, C'est pour ça avec qu'on. le même tempo. Ça C'est m'a pour ça que l'on frappé. doit se poser la question, est-ce qu'il a été manipulé ou non? Et Mais c'est pour. Voilà. je veux dire, comme nous dit Rock, sujet Rock, je veux dire, la réalité est toujours complexe, plus complexe qu'on ne le pense. Moi, personnellement, je dis Bien à Rock, sûr, mais je suis. comme le disait Rock là, tout à l'heure, il disait que où c'est qu'ils veulent nous emmener? Voilà. C'est Et hein, ça, et c'est si, ça, personne de l'ombre. et C'est si, ça le truc. effectivement. Et si on ne met pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si à un moment on ne met pas les mains dans la merde, si on ne On ne met pas saura les mains dans le jamais. cambouis, Voilà. on ne saura jamais. Il y a un moment, faut Exactement. se mouiller. Et c'est pour ça Bah que oui. j'ai fait cette interview et que Exact. cette interview va rester sur la chaîne UFO Conscience, malgré que la personne, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions parce qu'il s'est beaucoup contredit durant l'interview Charles Hall. Mais malgré ça, je vais la laisser parce que, comme tu dis, il faut qu'on se pose les questions, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Que les gens aient le droit de se poser la question Voilà. avec le matériel, avec que ce soit les C'est sûr que interviews de la Charles question, Hitch c'est ou la parole de pourquoi il y Charles a Hall. eu manipulation déjà, Ben hein, pour ce déjà, cas-là, quoi. Ouais. et puis c'est certain que ce n'est pas, si on ne veut pas se salir, si on ne veut pas se plonger dans le bain, il est clair, il est évident qu'on ne saura jamais ce qu'il y a au fond de la piscine. Il y a un Oui. moment, il faut y aller. Et c'est tout, parce que sinon, on passe son temps à regarder sur le bord de l'eau et on voit que la surface des choses. Tout à Mettre la fait, main, ouais. Ah il y a un moment, il y a une prise de risque qui est minimisée par le fait qu'on avertit les lecteurs que là, on s'aventure dans des zones qui sont troubles. Voilà. Et qu'il ne faut pas que les gens, à la limite, si ça les trouble et si ça les perturbe, et bien, il vaut mieux qu'ils arrêtent de lire ça. Et puis on se met en prise Entièrement aux d'accord. moqueries, à la dérision, à beaucoup de Oui, mais choses. ça, c'est pas Mais gênant parce qu'on sait c'est le que prix. Non, ça, on s'en fout, mais ce c'est sont vrai que, les comme idiots dit qui. Rock, Ce sont les idiots qui. Voilà. si ça dérange ce qui est dit dans l'émission ou dans la revue Top Secret, bah, il faut pas lire et il faut pas écouter, tout simplement. Voilà, à un moment, il faut être adulte, hein, tout simplement. Hein. C'est pas des gamins qui lisent Top Voilà. Secret, c'est pas des gamins qui vont écouter. Même si je pense que, Il y quand a, y a même, pour des être honnête, il y a enfants, quand même des gamins. y Je a pense des qu'il y a. enfants qui Oui, il y a lisent. des ados. Il y a des ados qui lisent Top Oui. Secret, qui écoutent UFO Conscience, mais je veux dire par là que, bon, à un moment, il faut avoir son libre arbitre, il faut avoir un Voilà. esprit critique, et Oui, mais on est surtout, moi je d'accord. le dis tout le temps, garder beaucoup de recul par rapport à ce qui est dit. Mais oui, c'est Le bien ce que tu recul dis. est nécessaire, ça c'est Alors, en tout cas, important, ça. c'est bien Je ce que vais. souligne Rock. Si Oui. vous voulez, je vais continuer Alors, comment. l'anecdote. Donc, grosse Voilà. polémique derrière. Moi, ce que j'en ai conclu que c'était intéressant dans le sens qu'à chaque fois qu'il y a une divulgation, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe. Moi, je sais que Monsieur X est sincère. Maintenant, je le connais depuis 10 ans. Puis en plus, bon, j'ai vu des choses avec lui qui étaient, comme on dit, pas piquées des hannetons. Dans toutes ces affaires qui vont un peu loin, un peu trop loin, il y a le piège qui se referme à un moment ou à un autre. Alors, Rock, voilà. Écoute bien, Olivier. Les auditeurs vont écouter dans le texte Rock Soccer écrivant avant l'événement, avant donc qu'on l'informe que ces photos d'extraterrestres viennent en vérité d'un film réalisé en 1995. Donc, dans le numéro 59, qui est le numéro antérieur, donc les événements en question n'avaient pas encore eu lieu. Voilà ce qu'il dit à la page 13 du numéro 59, où lequel figurent les photos. Mais néanmoins, voici ce qu'écrit Rock. Il est tout à fait impossible de croire à 100% ce que raconte Monsieur X. Cependant, je crois vraiment à l'authenticité de ses expériences et à la sincérité de ses informations, même si certains détails peuvent avoir été falsifiés. Point. N'oubliez pas que le milieu des black programs laisse toujours traîner une erreur ou deux, parfois grossières, de façon à laisser planer le doute et à donner des arguments à tous ceux qui ne veulent ni ne peuvent croire en cette réalité. Fin de la parenthèse. Et continue, je ne pensais pas que l'histoire allait si vite me donner raison. Voilà. Donc, Rock avait eu tu avais eu le pressentiment que, Ben oui. voilà, la prudence, Oui, oui. et qu'il pouvait toujours y avoir une manipulation. C'est bien ce qui s'est Prudence est passé. nécessaire. Voilà, donc il avait Ben, dans ce anticipé. milieu-là, Voilà. si tu veux subsister, il Ah faut oui. mieux être un tant Ah soit ouais. peu effectivement prudent. Toujours est-il que le piège s'est refermé. Monsieur X a failli le payer de sa vie. Hein. Il s'est passé des choses dans sa vie qui sont dignes de Total Recall. Hein. Oui. C'est assez impressionnant. Il a été renversé par, il a été percuté par un 38 tonnes en pleine nuit à 21h30 en pleine nuit. Il a failli perdre la vie avec sa femme et à Alors, 2h du oui, puis. matin, l'homme l'a appelé en lui disant, Est-ce que tu as compris maintenant où devons-nous terminer? Exactement. Avec en plus, bon, comme toujours dans ces affaires-là, une déstabilisation de la personne, enfin bon, une pression, une mise en pression. Je ne veux pas rentrer dans certains détails parce que je ne sais pas si ce sont des détails que il souhaite que je révèle. Mais bon, on était, c'était, on a complètement coupé nos relations de son fait, hein, de son fait, parce qu'il a fallu que lui se mette en protection. Parce qu'il a senti que il y avait ça chauffait quoi, ça chauffait très sérieusement. Moi, je pense qu'il y avait aussi une opération qui visait aussi à nuire au magazine. Mais comme par chance, entre guillemets par chance, mais ou plutôt on va dire par nature, j'ai toujours joué la transparence et la vérité. Ça m'a protégé quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de ce que peut-être n'importe quel directeur de rédaction aurait peut-être cherché à nier, à minimiser, etc. Moi, j'ai pris au contraire la tête de cette polémique et j'ai été très présent sur le net à répondre à tous les, entre guillemets, les trolls, mais pour ne pas dire plus, qui essayaient de dire, de crier à l'escroquerie. D'accord? Mais moi, je savais que j'étais droit dans mes bottes, puisque je savais que ces photos-là, je les avais depuis 5 ans, que j'avais jamais cherché à les publier, que quand je les ai publiées, peut-être qu'ils attendaient à ce que moi je les publie en couverture, en faisant un gros ramdam et que j'essaye de faire Eh un oui. scoop. Le piège était le cheval de Troie était là dans la maison top secret depuis 5 ans. Ils attendaient. Et oui, et je les ai sortis en catimini dans une arrière-cour, si tu veux, tu Ça aurait vois. été bien pour eux si tu les avais sortis tout de suite en Ah, disant évidemment, ou si je les avais sortis en faisant un en la gros fanfare, barouf oui. autour, tu vois, j'aurais été au sommet du ridicule. Là, ils auraient Hein. fêté, ils auraient fait champagne. Mais je pense que par rapport à ça, Monsieur X était lui-même un instrument. Eh oui, parce que lui-même, il n'a pas su qu'on avait substitué les photos, Bah, quoi. pas du tout, lui m'a dit, lui, il était convaincu que c'était des vraies entités parce que par rapport à ce que lui avait Oui, à son vécu ou se souvient expérience. avoir vécu, quoi. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai eu des personnalités importantes, compris sa défense, et ça, c'est pas négligeable, qui m'ont demandé, d'ailleurs, aussi de taire leur identité, évidemment. Tiens, à ce propos, comme tu parles de personnalité, est-ce que tu as des célébrités, enfin des célébrités entre guillemets, enfin des personnes qui sont connues et qui lisent ton magazine en France? Ça m'intéresserait de connaître ça. Je rebondis, hein, Ouais, ben, moi j'ai pas le moyen de le savoir. Ah oui? Enfin, à moins qu'ils t'envoient, qu'ils essaient de communiquer justement avec toi, vu que tu diriges ce magazine Top Secret, tu n'as jamais reçu de mail d'une personne connue qui te félicitait pour ce magazine ou non, jamais, ça n'est jamais arrivé? C'est possible, mais enfin, en toute honnêteté, en 15 ans, J'en ai pas le souvenir. Ça a pu arriver ou qu'on me dise, tiens, un tel livre. Oui, ça a pu arriver, oui. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Enfin, pour moi, ça n'a oui, pas. Oui, c'était juste pour rebondir, je préfère, en fait. Hein. Ouais, je préfère apprendre un lecteur qui m'écrit de Mongolie et qui me dit en Mongolie, je reçois Top Secret et je le lis, je suis un fidèle lecteur. Ça me fait. Alors, ça, parce que moi, je voyage pas beaucoup. Et de penser que mon magazine voyage dans des coins aussi insolites, ça me touche énormément. Disons que, en fait, ma question, elle était orientée parce que je me suis dit, ça aurait été intéressant qu'un homme politique s'intéresse, par exemple, à ta revue, tu vois, qu'il lise ta revue, quoi. Oui, mais alors bon, ce qu'il faut que tu saches, Olivier, c'est que ma revue, elle arrive directement dans l'ambassade de la plupart des pays qui sont situés à Paris, dans toutes les ambassades, par la force des choses. C'est-à-dire que, comme toute la presse leur arrive, et qu'ils épluchent toutes les ambassades, épluchent toutes ces presses, toute la presse. Et puis, évidemment, comme toute la presse, je suis étudié par... je suis lu à la sortie, et peut-être même avant la sortie, par nos agences. Mais... Bon, ça, à la limite, c'est normal, et moi, ça me fait plutôt plaisir de voir qu'on est encore un grand pays qui avec des gens qui travaillent sérieusement et qui cherchent à s'informer, à voir un peu ce qui se passe, quelle est la tendance. D'après moi, les retours que j'en ai, en tout cas, quelles que soient les ambassades ou quelles que soient, enfin, quasiment quelles que soient. Ou en tout cas, quelles que soient les agences, je crois que les gens, finalement, aiment bien Top Secret. Ils ont compris ma démarche, qui n'est pas une démarche de destruction, qui est une démarche de questionnement, d'interrogation, d'approche, qui essaie de se rapprocher d'une vérité. Mais hein, bon, après, on sait que la vérité, donc on peut dire que regarder tu... l'infiniment petit avec un microscope. Vous prenez encore un autre microscope et vous allez voir encore plus petit ce que vous ne pouviez pas voir avec l'instrument d'avant. Mais Top Secret, j'aime à dire que c'est une sorte de microscope qui est calibré sur un certain niveau, plus que l'œil humain, et qui permet d'aller chercher la vérité un peu plus près. Maintenant, c'est certain qu'il y a d'autres microscopes qui sont encore plus puissants, mais ceux-là, ils ne sont peut-être pas à la portée de tout le monde. Bon, donc là, tu es en train de nous dire que finalement, Top Secret n'est pas gênant du point de vue de l'État français. Hein. Je ne parle pas de l'État français, je parle de gens qui sont qualifiés pour étudier, analyser, regarder toutes ces questions-là. Mais qui dépendent de l'État. Et qui apprécient, en tout cas, d'après ce que j'ai pu en entendre parler, peut-être que je me trompe et qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux. Mais parce qu'ils obtiennent des, enfin quelque part, même s'ils sont très informés eux-mêmes, ils apprennent des choses. Voilà, c'est là-dessus que je voulais avoir ton opinion. Hein. Effectivement, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs pour UFO Conscience. Et pas seulement mon émission, hein, d'autres émissions, finalement, on leur sert un peu d'information. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'espionner, on fait le boulot à leur place, tout simplement. Bah tout oui, simplement. C'est ça le truc. Bah oui, la vérité, elle est là. Il y a ça, et puis après, encore une fois, moi je suis pas... Enfin bon, je ne veux pas... Je suis pas en guerre, je suis pas. Oui, bien sûr. Moi non plus. Moi j'aime mon pays. Ah c'est clair, moi aussi, je suis très. J'ai pas envie de nuire. Je respecte. On respecte. Il y a aucun problème. Parce que je sais que tout ce qui peut nuire aujourd'hui à l'État français, qui est quand même un peu en difficulté, ça va nuire aux citoyens. Donc j'ai pas particulièrement envie de ça, quoi. Ben oui. Alors, bon, voilà, écoute, mais maintenant je ne suis pas dupe, on n'est pas dupe, on sait de quoi il s'agit. Mais le but, c'est encore une fois de protéger, en tout cas de ne pas rentrer dans tous les pièges des chiens qui aboient sur la caravane. À un moment, il faut savoir protéger ses propres concitoyens à travers tout ça. faut gérer tout ça. Hein. Hein. Alors, on va enfin passer, si tu le veux bien, Jean, on va passer à la matrice. Mais attends, je vais terminer, je vais quand même terminer. Il y a encore des Non, non, questions. non, non, c'est Rock qui va terminer, mais je vais terminer. Ah, d'accord. Je vais Vas-y, vas-y. terminer. Bon, Rock, d'accord, puisque la soirée s'avance. En tout cas, merci de ces précisions qui sont, ces explications qui sont très personnelles. Tu nous confies beaucoup de choses qui sont de derrière le rideau, si on peut dire, toute cette aventure avec Monsieur X. Écoute, je voulais lister un petit peu tous les dossiers, tous les thèmes qui sont abordés là, mais c'est tellement énorme que c'est pas possible. Il est trop tard maintenant. Donc, on invitera les lecteurs à se reporter au numéro hein, 56, 57, 58, 60, 62, 80. Ils en croient qu'ils en manquent encore. Mais c'est un dossier énorme et très intéressant, en tout cas. Si tu permets, Olivier, je vais juste lire, si tu veux bien, Rock, je vais lire juste une petite colonne sur le dossier ARP, juste très rapidement, pour donner une idée simplement aux lecteurs de la manière dont Monsieur X aborde l'un des dossiers un peu Oui, puis secrets. là, il faut savoir aussi avec Monsieur X, hein, c'est avec Monsieur X, je ne touche même pas une virgule de ce qu'il écrit, hein. Il écrit parfaitement bien, il n'y a pas Oui, besoin de oui, oui. toucher Ah quoi que oui. Ah oui, c'est vraiment très très bien écrit. On sent que c'est un vrai scientifique, hein, puisqu'il prétend avoir été pilote de ligne, pilote d'essai sur toutes sortes d'objets, même des objets vraiment spatiaux, des vaisseaux spatiaux. Le dossier ARP, hein, tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît un petit peu de loin ce thème, et c'est un dossier vraiment très sensible, hein, comme on le sait. Donc je vais lire simplement une petite colonne, simplement pour donner au lecteur une idée permettre de mesurer un petit peu la substance, hein, la manière dont Monsieur X aborde de nombreux sujets. Et avec une dimension très forte. Donc voilà, simplement pour informer, tu donneras ton commentaire si tu veux, Rock. Donc, une question donc de top secret sur le projet ARP. Alors, ARP, EDBP, donc Enfants des Black Programmes, ARP est subdivisé en de nombreux projets. Il y a celui qui consiste à travailler sur l'ionosphère et qui est en fait un immense leurre qui dissimule tous les autres projets. ARP est, pour en donner une image, une sorte de très grande table de mixage, comme on en voit dans les studios d'enregistrement. Le monde entier est découpé en fines lamelles et reproduit sur cette table de mixage. Chaque curseur représente un pays ou une zone précise du globe. Dans les grandes lignes, les boutons au-dessus de chacun des curseurs sont les réglages qui déterminent l'intensité du tremblement, l'intensité du réchauffement, l'intensité du refroidissement, l'intensité de la fréquence programmée pour balayer la zone, ainsi que certains réglages d'ouverture spatio-temporelle permettant à des groupes importants d'êtres éthériques de prendre position sur la Terre. Une fois en place dans les corps qui leur sont réservés, il ne reste plus qu'à pousser le curseur correspondant à la zone choisie et on regarde le désastre avec froideur et irresponsabilité. Dans les faits, tout est remarquablement établi pour qu'on ne puisse rien prouver. Dans les coulisses, on sait que personne ne pourra jamais détruire ARP, car toutes les commandes se trouvent hors de portée de tout humain sur Terre. Seules quelques commandes basiques sont implantées ici ou là, mais rien de perdu si elles venaient à être détruites. Les vraies commandes au grand complet sont sur la Lune. Une réplique est en cours sur Mars. Donc, ne serait-ce qu'au vu de ces informations, on comprend que vite que ce système n'est pas un jouet, ni un simulateur, ni un programme d'expérimentation. Nous sommes bien en présence d'une arme absolue pour une guerre absolue. Il faut néanmoins savoir qu'il existe d'autres installations identiques en plusieurs endroits du globe. Certaines de ces installations sont profondément enfouies sous terre, au fond de certaines bases militaires, par exemple, ou de lieux présentant d'autres types d'activités en surface afin de tromper les curieux. Voilà, je pense que ça parle. C'est clair et je peux vous dire que avec Monsieur X, les conversations au téléphone qui sont de ce niveau-là, On imagine que ça a été très intense, oui, toutes ces années. très intense parce que tu te dis soit ce mec il vit vraiment ce qu'il dit là, c'est du vécu ou alors de l'implanté, soit ce type est le plus génial de tous les scénaristes de toute l'histoire du monde Ah entier ouais, là. et il faut Oui, parce lui que ça va très très l'embaucher à loin. Hollywood. Ah ouais, ça va très très loin, Et c'est tous vrai. tout, tout les exposés de Monsieur X vont très loin, Olivier, dans tous les C'est très domaines. pointu, ouais. Ah Et encore, non mais il Très y a des choses coordonné même. off, des choses off qui sont, mais tu dis que tu as été traumatisé, entre guillemets, par la lecture des textes. Il y a des choses. Bon, moi je vais te dire, j'ai passé 4 heures avec lui dernièrement. et puis ça va se reproduire bientôt. Je suis ressorti de ces 4 ans d'entretien, mais complètement. Ah oui, complètement sonné. Complètement sonné, complètement, complètement. C'est. C'était. Waouh! C'est. Ouais, c'est 3 bouteilles de Long John. Ah oui, j'imagine, oui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur X, spontanément, au rock, même si on est bouche bée en lisant, je dis, mais comme tu disais, est-ce que c'est un grand fabulateur, un grand scénariste, un grand littérateur de science-fiction? On peut le dire, mais moi, personnellement, aussi difficile à croire, aussi incroyable, entre guillemets, mais je sais que la réalité dépasse la fiction, hein, c'est une terme. Monsieur X, pour tout te dire, Monsieur X devait venir en novembre. Il devait être là, présent physiquement. Ça aurait été vraiment extraordinaire. Eh bien, bravo, quel courage. Courage, Monsieur X. Mais suite aux événements qui sont survenus à Paris, le programme a été changé parce que Monsieur X, même s'il a réussi à négocier une sortie, il n'est pas complètement sorti de toutes ces affaires-là. Ah, c'est terrible. Écoute, si tu permets, Olivier, je vais lire là très court dossier sur la grille magnétique. La grille magnétique et les portails, c'est toujours dans le numéro. C'est un passionné, Jean, hein, il est passionné. Vas-y, non, vas-y. C'est sûr, il y a de quoi. Tu vas être passionné quand tu vas relire attentivement la grille magnétique et les portails. Monsieur X, quand on s'est rencontré en 2005, donc il parle à Rock, quand on s'est rencontré en 2005, la NASA venait de verrouiller la 5e grille autour de la Terre et personne au salon ne le savait. Il ne s'agit pas d'une grille constituée de fer forgé avec des boutons et des rivets. Non, ce sont des grilles magnétiques. C'est fait à partir de grilles magnétiques et bien spécifiques que l'on ne voit pas à l'œil nu. Nous avons 5 grilles superposées autour du globe terrestre et qui sont espacées de manière plus ou moins régulière les unes des autres. Et entre chaque épaisseur de grille, il y a des démons, des lésions de démons qui font parfois, pour certains d'entre eux, des centaines de mètres. Ce sont d'immenses serpents. Un jour, la navette Endeavour est repartie en mission. Ils ont ouvert les soutes. Il y avait des caméras très puissantes, à très haute résolution, aux quatre coins de la soute, qui ont filmé. Puis on a eu accès aux images. Nous sommes aussi détenteurs de ces images quand on a vu de quoi il s'agissait. Point de suspension. Et l'article se continue. Donc ça, c'est le programme de grille magnétique, donc des programmes secrets de la NASA, dont personne n'entend parler dans la presse mainstream. Ce qui est étonnant avec la NASA, moi je l'étudie depuis une quinzaine d'années, j'étudie depuis à l'époque où Internet était à son stade du balbutiement, avec les modems qui faisaient un drôle de bruit, et où il fallait 10 minutes pour télécharger une image. Donc j'étudiais tout ça... mais des journées entières, hein. J'avais que ça à faire à l'époque. Je vous dis, j'ai eu une période de chômage. Et moi, ce que je me suis rendu compte, et c'est ça qui pose vraiment questionnement, c'est que il y a dans les images de la NASA, il y a des gros problème. Il y a des grosses questions à se poser sur les images de la NASA. Mais c'est terrible, hein, parce qu'il y a aussi des eaux. Beaucoup aussi... d'anomalies. Ouais. Mais sont retravaillées, les images les photos sont ah oui, oui. Alors, même voilà, floutées. Ouais, flouté. C'est ça. C'est-à-dire que même au niveau des anomalies, on peut se demander si les anomalies qu'on nous montre ne sont pas en réalité des eaux à ronger pour les chiens. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les photos de la NASA, il y a de fortes chances que ce soit des... qu'on n'ait jamais vu la Terre vue de la NASA. Il y a de fortes chances que tout ça ne soit que des dessins. Ça paraît con ce que je dis, hein, mais si vous étudiez par exemple la Terre en rotation, les photos de la NASA vues par satellite où on nous montre la Terre qui tourne, moi je dirais simplement à vos auditeurs une chose, tapez ça sur Google, étudiez et regardez les nuages. Regardez les nuages. Donc ça coïncide pas, tu veux dire? Bah, le problème, c'est que quand vous êtes chez vous et que vous regardez le ciel, le matin, vous avez un ciel gris et le soir ou l'après-midi, vous avez du ciel bleu. D'accord ? Là, j'y bouge. Sur les images de la Terre en rotation qui datent des années 80, 90, 2000, les nuages ne bougent jamais. La Terre va bouger pendant 24 heures et vous aurez les nuages qui seront immobiles. Alors maintenant, avec la 3D qui est développée, etc., vous avez vous avez des images de la Terre et certainement des rotations de la Terre où on voit les nuages bouger sur 24 heures. Mais ce n'est pas le cas sur les anciennes photos. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je viens de voir, par exemple, Star Wars, le dernier épisode de Star Wars qui vient de sortir. Ah, qui est magnifique. Je sais pas, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Bien, vous regardez les planètes. On voit deux, trois planètes à un moment, vu de l'espace. C'est aussi criant de vérité que les photos que nous connaissons de la Terre. Non, ce sont des dessins. Ah oui. Si vous regardez les photos de la Terre des années 60 et les photos. Commencez avec Kubrick, le film dominant de l'Odyssée de l'espace. Et puis aujourd'hui, regardez les photos de la Terre. Vous allez voir, il y a une évolution. La Terre n'est plus tout à fait la même. On dirait qu'elle a évolué en même temps que la technologie du dessin 3D a évolué. J'avais jamais pensé à ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je me pencherai là-dessus d'ailleurs. J'avais jamais. Donc, là, c'est en lien avec le cercle de la bâtisse, alors. Nous sommes dans un théâtre d'illusion. Voilà. Eh oui. On ne montre jamais les barreaux de sa cage au singe. Voilà, non. On est dans un hologramme. Je ne sais pas dans quoi Mais. on est, mais en tout cas, il y a quand même, si on étudie, moi je le fais depuis 15 ans, les photos de la NASA, il y a matière à se poser de sérieuses questions. Ça. Oui, juste une petite chose. Donc, je voulais dire, Monsieur X, quand il est venu au salon, en Oui. fait, il nous a expliqué lors de la conférence, hein, c'était aussi intéressant que le public le sache, lors de la conférence de novembre à Paris qu'organisait Top Secret dans le cadre des rencontres de la résistance, de l'école de Oui. la résistance, Monsieur X nous a dit, j'étais dépêché là-bas, au salon de Châlons-en-Champagne, avec mon stand, etc., etc., pour voir, prendre la température de l'ufologie, pour voir où en était l'ufologie en France, où en était le niveau et qui savait quoi. En fait, il cherchait des informations. C'est intéressant ça aussi, à savoir, de connaître les méthodes. Ah oui, donc en fin de compte, oui, il est mandaté par Ah ben, tout le temps, voilà. il ne peut pas à son niveau. Il ne peut absolument pas faire le moindre pas de travers, la moindre démarche sans avoir les autorisations nécessaires. Et même avec ces autorisations-là, il a eu les pires ennuis à l'époque, à la suite de la série d'interviews qu'il a fait dans Top Secret. Hein, parce que comme petit exemple qu'il a eu, c'est qu'à un moment, il s'est retrouvé avec des araignées qui lui sortaient du corps, quand même. Oui, ça c'est dans le. Oui, c'est quand il explique effectivement après l'accident. Effectivement, il a des araignées qui sortent du corps, il a des griffures sur le bras, sur la jambe, alors qu'il ne s'est pas du tout gratté. Et par la suite, il a compris. Et un de ses collègues a vécu le même symptôme, des araignées. Oui, oui, oui. Et puis d'un point de vue de la vie privée, je peux vous juste je vous donne des indices. Du point de vue de sa vie privée, pensez à Total Recall, le premier film, pas le remake, le premier film. Pensez Avec Arnold Schwarzenegger, hein. avec Arnold Ouais. Schwarzenegger dans le cadre de sa vie privée. Essayez de vous souvenir et vous comprendrez ce qui lui est arrivé. D'accord. En tout cas, là sur la vie privée, j'ai pas vu le film, mais ça c'est toi qui nous le partages. Mais sinon, il indique précisément pour ses araignées, pour ses griffures, qu'en vérité Oui. c'est un phénomène virtuel. Oui. Donc il explique en fin de compte que les pouvoirs en place lui signifient de même qu'à l'autre personnage qui avait agi un peu comme lui, qu'en fin de compte on peut les atteindre à n'importe quel moment d'une manière je veux dire, irrésistible. On peut avoir Bah pris oui, sur lui à depuis n'importe quel moment. l'invisible en réalité, depuis l'invisible. Voilà, il précise tout ce qui est sur les implants, c'est tellement extraordinaire, tellement vraiment incroyable, entre guillemets, tout ce qu'il dit sur les implants qu'il a dans le corps et qui l'autorise aussi à accéder à des implants qui comprennent des cristaux qui sont comme des digicodes, qui sont des cartes magnétiques qui permettent d'accéder à des espaces, même auprès des entités extraterrestres qui identifient grâce à ces cristaux, etc., des Mais les choses. implants sont même nécessaires. Vous voyez, alors là, on va parler un peu d'ufologie de mon livre et de la matrice, les implants sont même nécessaires pour son retour sur la Terre. Quand il part, ça, il ne le sait pas forcément lui-même. Hein. C'est pas évident qu'il le sache, mais ou qu'il ait eu cette information sur le pourquoi du comment de certains des implants. Quand il part à l'autre bout du système solaire, voire plus loin. Bon, oui, mais c'est tellement d'aspects, Olivier, hein, vraiment dans ces dossiers. Les spectateurs qui ne connaissent pas le dossier, ben, il faut qu'ils lisent, hein, il faut qu'ils achètent les revues, parce que c'est vraiment un grand voyage dans le système solaire, dans l'histoire de l'humanité moderne, passée dans l'histoire de la civilisation terrestre et galactique. Hein, oui. Et donc, si, en toute logique, s'il se retrouve au bout du système solaire, toujours dans notre système solaire, mais tout à fait à l'autre bout, et qu'il lui faut plusieurs années pour revenir. Moi, je m'interroge par rapport à ce que aux informations que je peux avoir compris, sur ce qu'est la matrice. Je me dis, il y a deux solutions pour qu'il revienne de mission. Quand il part en mission. Parce que il me dit, je ne sais pas si ça a été publié, parce que en fait l'entretien a duré 4 heures. Il y a matière à faire un hors-série. Ah bah oui. Hors-série qui est prévu pour cet été, mais la difficulté, c'est que là je me pose des questions d'éthique, c'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'un hors-série, quelque chose d'aussi dense et d'aussi concentré, est-ce que c'est supportable, quoi, pour le public qui ne serait pas préparé à l'évaluation. Oui, parce que c'est du. Je vous dis, quand je suis sorti d'entretien, c'était. J'étais bouleversé. Ah, ben oui, ben réfléchis bien, Rock, prends bien conseil autour de toi. Ben oui. Quoi, voilà, parce que vraiment, là, j'avertis les lecteurs, effectivement, c'est pas. Ce témoignage de M. X n'est pas à mettre dans les mains d'un enfant fragile, hein, ou d'une personne qui sort de dépression. Hein. Mais c'est notre choix de vouloir se confronter à. Je dirais pas la vérité, mais en tout cas des questions. Cette possibilité. Oui. Mais toujours est-il que donc quand il revient de mission dans ces endroits-là, alors il faut savoir. Alors, de deux choses l'une, soit il rentre en vaisseau jusque sur la Terre, auquel cas ça va lui prendre quelques années après Pourquoi avoir accompli sa mission. Bah parce qu'on ne voyage pas encore à la vitesse de la lumière à l'intérieur du système solaire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu cette information-là. À un moment donné, il parle du chargement en énergie solaire de l'un des vaisseaux. Il dit qu'il suffit de faire le tour du Soleil. Ils font un tour du Soleil. Bon, évidemment, à une vitesse quand même qui doit être très impressionnante, très élevée. Et le tour du Soleil suffit à charger le vaisseau pour des missions dans le système solaire et même bien au-delà. Tout à fait. Donc, textuellement, ce n'est pas dit qu'il voyageait à la vitesse de la lumière. Non. Non, mais on n'a pas besoin non plus de voyager à la vitesse de la lumière. Non, mais ça veut dire que, bon, pour rentrer depuis le confin du système solaire, vraiment, je parle du confin du système solaire, là où il y aurait les 300 planètes dont il parle, puisqu'il dit qu'il y a plus de 300 planètes dans le système solaire. Oui, ça aussi, ça m'a vraiment fait écarquiller les yeux. Oui, voilà. Ce qui veut dire que le système solaire est bien plus vaste qu'on ne le pense. Ben oui. Alors, donc, quand tu es à l'autre bout, tout ça, ben, quand tu as fini ta mission, tu fais quoi? Tu te retrouves dans un vaisseau, il va falloir 6 mois, 1 an, 2 ans pour rentrer chez toi. Non, je pense. Où est-ce que je veux en venir? Si nos mémoires, nos consciences sont externes à nos propres corps, si tout n'est qu'une question d'énergie et de vibration et de fréquence, si nos corps, nos consciences, nos trois consciences sont connectées à des mémoires qui sont externes à notre dimension. Qui sont préexistantes, en quelque sorte. Préexistants ou coexistants, mais à l'extérieur de nous-mêmes. Mmh. Et qu'en fait, quand on endommage un cerveau, en fait, on endommage juste une fréquence. Qui fait que le cerveau, on n'arrive plus à être connecté aussi bien au serveur de mémoire. Il y a trois mémoires, mémoire de l'ADN, mémoire de l'ego et la mémoire de l'âme. Bon, donc je pose je pose Postulat. ce postulat. Je me dis la chose suivante. Je me dis, dans ce genre de programme où il voyage, je dirais même pas aux confins du système solaire, mais finalement peut-être même dans d'autres dimensions. Le retour le plus simple, c'est tout couillon, pardon. Vous flinguez le bonhomme qui a accompli sa mission, qui lui est connecté à ses vibrations, à cette fréquence et à ses serveurs de mémoire qui sont sa conscience. Hein, ces trois serveurs de mémoire réunis forment la conscience d'un être humain. Et vous prenez un corps déjà existant, peut-être d'un citoyen lambda, dans la rue, qui lui ressemble, ou peut-être d'un clone, peu importe. Et alors, d'un clone, c'est encore différent, mais prenez un corps qui lui ressemble. Parce que je vous dis ça, c'est pas innocent hein, de ma part. Vous n'aurez avec cette personne qui est une victime, qui est choisie, prise dans la rue, kidnappée, vous n'aurez qu'à lui mettre les implants qu'il faut au bon endroit pour que ce corps dégage les bonnes fréquences et pour qu'il se connecte au bon serveur de mémoire. Et à ce moment-là, vous avez un transfert de conscience. Vous avez immédiatement l'enfant des Black Programs, c'est-à-dire celui qui a été le soldat, l'officier, ou celui qui a été dans l'opération, qui a fait l'opération à l'autre bout du système solaire, il va revenir immédiatement en conscience dans le corps sur la planète Terre. Parce que les implants l'auront branché sur cette fréquence. Auquel cas, le corps qui lui était en mission et qui n'était peut-être pas son premier corps, mais peut-être son 20e corps, lui est détruit, tout simplement. Voilà, c'est un corps comme ce qu'on appelle un véhicule. Absolument. Là, Comme on est disait. vraiment. Alors, on est vraiment dans du Monsieur X, hein, mais ça rentre en résonance par rapport à cette histoire C'est comme les gens qui allaient au Mali ou au Sénégal dans les années 80, c'est ça, avec une 300, une 305, non, une 405, une 403, 403. Je ne sais pas, mais C'est ça rentre quand en. on traversait le désert et puis on vendait la voiture là en Afrique, donc on la laissait, on revenait pas. Voilà, tu rentres plus rapidement que si jamais tu dois repartir avec la voiture. Voilà, Eh bien là, par c'est notre pareil. moyen. Là, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, ça serait la meilleure solution de rapatrier un individu immédiatement, instantanément sur Terre, c'est-à-dire vous détruisez son corps dans l'espace, à l'autre bout du monde, et vous prenez un corps à qui vous mettez des implants. Et ces implants, s'ils ont la bonne fréquence, qu'ils modifient la fréquence de l'ADN et qu'il c'est bien encodé, vous avez pris l'encodage du corps qui était dans l'espace, eh bien, les trois mémoires vont être connectées immédiatement sur cet individu qui deviendra quelqu'un d'autre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas innocent. D'abord, ça touche à un des sujets de mon. Mais en plus de ça, c'est ce que moi j'ai observé quand j'ai revu 10 ans plus tard, Monsieur X. Oui. Il avait changé, tu nous as dit. Ben, on s'est rencontrés. Bon, je ne sais pas si je suis, si ça ne le mettrait pas. En tout cas, bon, voilà, c'est mon ressenti, mon ressenti personnel. Quand il est descendu de la voiture, moi, je l'avais vu 10 ans avant, je le revois 10 ans après. Ça m'est déjà arrivé de revoir des gens 10 ans après, je les reconnais. Là, je n'ai pas reconnu le monsieur. Et alors, pas du tout. Et pourtant, il paraît qu'il y avait un effort. Il y avait eu un effort de. Voilà, bon. Alors, on va quand même passer maintenant, parce qu'on est pris par le temps, hein, Oui, comme vous le oui, savez, oui, on oui, va oui. passer à ton livre et la fameuse matrice. Alors, qu'est-ce que la matrice, hein? Question toute bête, mais que beaucoup de gens se posent finalement. Bah c'est une question toute bête, toute bête. Oui, peut-être, c'est sûr que c'est une question qui vient tout de suite, mais la réponse, elle est loin d'être simple, en tout cas, hein, Olivier. Ça impose bah déjà de planter un décor, peut-être de remonter loin dans l'histoire. Qu'est-ce que la matrice? Une création qui serait, en tout cas, la matrice. Moi, j'appelle ça plutôt la matrice dans laquelle nous sommes. Je l'appelle la matrice artificielle, qui serait une création, une création montée de toutes pièces et qui serait une copie de la matrice originelle. Donc, ce qui impliquerait une sorte de dualité entre quelque chose qui serait entre guillemets divin, en tout cas harmonieux et parfait, et intemporel, qui s'opposerait à un monde qui lui serait une copie, qui ressemblerait, qui aurait le goût et la couleur comme le Canada Dry, mais qui lui fonctionnerait à l'inverse, c'est-à-dire avec une énergie qui ne serait plus celle, l'énergie que comme je l'appelle christique ou l'énergie d'amour, mais qui serait en réalité le temps, et qui serait fondée sur deux choses, c'est-à-dire l'inéluctabilité de la dégradation, de la putréfaction et de la décrépitude, contrée par un deuxième phénomène qui serait la prédation. Et donc, cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes serait une copie de la matrice originelle et fonctionnerait non pas sur le système de l'amour, sur le système de la perfection, mais fonctionnerait sur un système, serait basée et compressée par une énergie qui serait liée au temps, relative au temps, et en tout cas qui donnerait naissance au temps de façon naturelle, et qui serait soumise à deux contraintes, qui seraient la putréfaction, la décrépitude, le pourrissement, et la prédation pour survivre à ce pourrissement. Alors, Voilà. Donc la réponse est. Alors ça, je réponds moi aussi bêtement, c'est d'un point de vue très schématique, à cette question qui était, somme toute, assez schématique. Rock, s'il te plaît, juste sur la question, qu'est-ce que tu dis là, par exemple, sur la figure biblique, l'analogie de la figure biblique du paradis originel, par exemple, et d'une corruption qui transforme ou qui corrompt en tout cas le monde originel. Parce que quand tu parles d'une matrice originelle fondée sur l'amour et d'une matrice artificielle dans laquelle la prédation prend place, ben, quelqu'un qui a une culture banale, je dirais judéo-chrétienne, percevra tout de suite un modèle, si tu vois ce que je veux dire. Le modèle, c'est-à-dire? Ben, le modèle, c'est le paradis originel, c'est le lion fait la bise à l'agneau, tu vois, dans les images du catéchisme pour enfants. Et puis, avec le mal, avec le serpent qui vient rentrer le mal, le désordre, le déséquilibre, puisqu'il y avait les commandements sont trahis. Oui, je Et puis la vois bien où tu prédation en veux. arrive, là. Voilà, L'homme je veux bien devient où. un loup, l'homme tue son Voilà. frère, et ça. Sauf que, et Non, je ça dis on pas le qu'il y a une retrouve, analogie, j'en sais sauf rien, je qu'on. veux dire Non, mais sur c'est très quelle juste, place ton ça porte. image est très juste et elle est inspirée d'ailleurs. Hein. Oui. Sauf que il faut bien comprendre que nous sommes ici dans une matrice artificielle où nous sommes dans le règne du mensonge et de l'illusion, et que donc forcément ces textes-là eux-mêmes, il Oui. faudrait les lire à l'inverse, c'est-à-dire les lire et comprendre l'inverse. Par exemple, on nous dit l'Éternel, Yahvé, place l'homme dans le l'homme et Ève, la femme, dans le jardin d'Éden. D'accord? Ensuite, comme tu l'expliques, le serpent vient proposer la tentation, la pomme, etc. Enfin bon, toute l'histoire, comme tu dis, qu'on raconte ce conte de fées pour enfants. Sauf qu'il y a quand même un léger problème. Je veux pas... je vais éviter d'être vulgaire, donc je dis un léger problème. C'est que, quelle idée, dans un monde parfait, dans un monde qui serait le monde que j'ai décrit tout à l'heure, il y a 2 minutes, ce monde de perfection et d'harmonie, pourquoi dans un tel monde y aurait-il un dieu qui s'appellerait Yahvé ou qui s'appellerait l'Éternel et qui aurait cette fâcheuse idée de mettre l'homme dans un jardin magnifique, splendide, qui serait un paradis et qui aurait la perversité de mettre au milieu de tout ça un arbre auquel l'homme ne devrait pas toucher. C'est-à-dire que il faut être sacrément pervers pour mettre deux individus innocents, ignorant toute notion de mal, dans un jardin splendide, avec au milieu un arbre qui est déjà la tentation. C'est que la tentation, elle commence là, elle ne commence pas avec le serpent. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme, oui, comme un test? Bah alors, si on commence à tester, on est déjà dans la matrice artificielle. Ah oui. Oui. Non, je comprends. Hein, c'était seulement une question parce que sinon, on bah oui, mais tout à voilà, le truc est. Il est évident que le serpent, il a son rôle aussi négatif puisqu'il fait partie de la matrice artificielle et qu'il fait partie aussi du système. Mais à l'origine, le problème, il vient déjà de l'existence de cet arbre. On n'a pas une idée de flanquer deux innocents au milieu d'un endroit avec une tablette de chocolat. Les mecs sont morts de faim et on leur dit « tu touches pas au chocolat ». C'est la faute de qui? Après, c'est la faute de qui si on touche au chocolat? Attends, mais deux baves dans la gueule. Excusez-moi. Bon, ah, il faut pas fâcher Rock, hein. Non, ouais. Mais voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on là, l'imposture commence. L'imposture commence déjà ici. Le problème, c'est que nous sommes conditionnés à ne pas la voir, à ne pas la lire. On a le même exemple avec Abel et Caïn. Vous avez un Abel qui passe son temps à égorger des moutons dans le cadre de rituels sanguinaires pour l'adoration de son dieu. On voit pas quel plaisir peut avoir un dieu à se gargariser du sang et de la douleur de moutons et d'agneaux nouveau-nés sur des agonies très lentes et très douloureuses. Et lui, il a les faveurs du dieu. Et vous avez un pauvre Caïn qui cultive laborieusement son jardin, qui fait du bio dans une map, et qui lui offre humblement ses fruits à son dieu qu'il vénère en pensant que c'est un gars bien, et qui se voit méprisé comme ça vous pose pas un problème? Ça reflète vachement. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant moi je le voyais toujours comme un affreux méchant poilu. Bah oui. Mais c'est ça l'imposture. Et puis ça reflète l'injustice de nos sociétés aussi, hein. Et absolument. Et quand Caïn s'est retrouvé confronté, vous imaginez bien, à une injustice aussi flagrante, en découvrant que son dieu est un infâme pervers, c'est révolté. Qui se réjouit de l'égorgement à longueur de journée de pauvres agneaux et qui refuse ses fruits. Alors parlons des implications de la religion dans la matrice. Sujet extrêmement sensible. L'implication de la religion, bon, tout le monde sait que les religions sont un instrument de soumission, sont un instrument de contrôle supplémentaire. C'est pour ça que dès qu'il y a un problème, les politiques se réfugient dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, et puis réunissent tout ce monde-là. C'est une façon de calmer tout le monde et de voilà. Les religions, elles ont eu ce premier attrait au niveau des seigneurs. Hein, c'était une façon de tenir le peuple, non plus par la violence, mais par la peur de l'inconnu. Oui, instrument de domination, un instrument de domination, ça toujours. Mais oui, puis d'influence, de manipulation, enfin bref, de culpabilisation. Alors, bon, ce sont des institutions humaines, tout simplement. Et on sait bien qu'au sommet de toute institution humaine, moi je ne jette pas la pierre sur les prêtres. J'en ai connu des gens remarquables pour certains. En tout cas, ceux que j'ai connus étaient des gens remarquables. Et j'ai une très grande admiration pour ces gens que j'ai pour ces amis que j'ai connus qui étaient des gens bien et qui étaient dans leur foi et dans l'amour du Christ. Mais après, on sait bien qu'au sommet de la pyramide, on est dans d'autres considérations qui sont beaucoup plus de l'ordre de la politique et de la Pouvoir. manigance. Eh oui. Ceux On qui en a tiennent pour exemple, moi je ne suis pas un spécialiste des religions, mais. En tout cas, en plus, je ne connais pas particulièrement les autres religions, même si je pourrais en parler, en tout cas dans le cadre de mes recherches. Le Christ, dans l'Évangile, a pour un des premiers propos est de dire, de dire à ses disciples, n'appelez personne mon père, car votre père est aux cieux, etc., etc. N'appelez personne mon père. Qu'est-ce que fait l'Église catholique dès qu'elle démarre? C'est d'appeler tous les prêtres mon père, et de faire appeler tous les prêtres mon père, et d'appeler le pape lui-même Saint-Père. Si ça, c'est pas une sorte d'abomination, ou en tout cas de rébellion, je ne m'y connais pas. Oui, c'est une forme de soumission, on soumis au pouvoir terrestre, quoi, au pouvoir humain, quoi. En tout cas, c'est à On l'encontre multiplie à même, l'infini la soumission, là. c'est à l'encontre même, en tout cas, du précepte christique. Tu n'appelleras jamais personne mon père, car ton père est aux cieux. Sachant que le père, c'est le royaume. Le royaume, c'est la matrice originelle. Mais de toute façon, tout est écrit. Il faut savoir que rien ne nous a été caché. Rien, rien ne nous a été caché. Rock, excuse-moi, rapidement, tu cites, j'ai remarqué, j'ai lu récemment un de tes articles, dans lequel tu cites des versets de l'Apocalypse. Est-ce que tu peux dire, puisque Olivier te pose sur quand même le rapport à la religion, la matrice, est-ce que tu peux dire un mot sur ce qu'est l'Apocalypse pour toi et comment tu peux travailler sur des textes comme cela? Apocalypse qui veut dire révélation, hein. Eh oui. Bah On le oui. rappelle aux auditeurs, hein. Eh oui, Alors, effectivement. avant de répondre à ta question, Jean, je vais juste dire pourquoi je dis que tout est écrit, tout est relaté à la base. Il faut jamais oublier que le Christ ne crée pas une église. L'église est créée après lui. Le Christ, lui, a repoussé la tentation. Du roi du monde, c'est-à-dire du propriétaire de la terre, celui qui était en mesure de lui offrir tous les royaumes. Et il a refusé, il a eu. Mais comment est-ce que tu le prends ça? Tu le prends comme une légende ou est-ce que tu peux le prendre littéralement? Non, je prends ça. Il y a des choses qui sont. C'est une question directe, hein, tu as remarqué, Oui, Olivier? non, mais c'est une. Je ne vais pas dire que l'histoire de l'Évangile, au contraire, est une réalité, puisque là, ça nous entraînerait trop loin. En réalité, c'est une métaphore. Mais en tout cas, dans l'Évangile, il y a une chose qui est vraie, c'est le message. C'est Mais là, c'est l'expérience de Christ, là. Tu dis qu'il le message s'oppose christique. au Le roi message du monde. christique et ce qu'il en reste. C'est-à-dire, c'est notamment ce qui est de l'ordre du message, c'est-à-dire la période de la tentation. Où on dit, si tu te soumets à moi, je t'offre des royaumes. Tu vois? Quel Oui, que soit c'est. l'endroit où ça s'est passé, c'est pas passé Ouais. forcément comme ça, etc. Pas Mais en tout forcément cas, au sommet du temple il y a de cette dualité. Jérusalem. C'est-à-dire que, voilà, si tu te soumets maintenant à moi, voilà. Le Christ, c'est textuellement explicité. Envoie balader le roi du monde, le patron de la terre. Parce que celui qui peut t'offrir la terre, c'est celui qui est le possesseur de la terre. Hein. Sinon, tu peux pas l'offrir. Par En contre, même c'est pas, temps, c'est pas. il pouvait normalement transformer une pierre en pain et il n'a pas apparemment voulu le faire. Ben, c'est écrit comme ça dans l'Évangile. Dans le désert et que le Non, mais ça, tentateur. c'est quand il le tente. Oui, En donc ça plus, veut dire qu'il c'est avait quand même un pouvoir sur le. mais bien sûr, vous y aurez beaucoup à dire là-dessus. Alors, maintenant, pourquoi je te dis que tout est écrit, c'est que c'est stipulé, et tout ça est encore symbolique, mais c'est stipulé, le Christ toujours dit à Pierre, le fondateur de l'Église, il lui dit, tu vas me renier trois fois avant que avant que le coq ne chante. J'entends ça, Olivier, c'était imprévu d'entendre Rock Soccer nous présenter l'évangile. Oui, alors je suis C'est désolé, intéressant, on va c'est dire, bien. tu me poses Les la question auditeurs sur les retiennent religions. leur souffle, j'en suis sûr. Tu me poses la question sur les religions. Non, mais c'est très Bon, intéressant. oui, parce qu'en fait, la religion, c'est lié avec la matrice, de toute façon, hein, Ah, ça de va toute de façon, pair, hein. c'est un levier de contrôle, puis on sait bien, Ben si on oui. va au bout du bout et qu'on arrête les plaisanteries, et qu'on Non, arrête de non, mais moi, tomber je dans ne toutes présente les... pas. Je trouve dans ça tous les très pièges. important que tu commentes ben, ce qui constitue ces cultures qui sont peut-être effectivement des éléments de la matrice artificielle, je m'explique, mais que tu Oui, prennes enfin... l'attention, la rigueur mentale justement d'examiner tous ces faits culturels qui sont des constructions. Si on veut être sérieux et qu'on arrête de délirer avec, je sais pas moi, Sans citer de nom. sans citer de nom, mais bon, avec plein de choses un peu bizarroïdes, un peu exotiques. Et si on regarde notre histoire, au moins jusque après récentisme ou pas récentisme, mais on se rend compte que notre histoire a été contrôlée entièrement, et pays et territoires les uns après les autres, par l'Église catholique, qui aujourd'hui arrive à la fin de son pacte, à la fin de son contrat, mais jusqu'à présent, c'est quand même l'Église catholique qui a fait l'histoire, grosso modo. Et maintenant, on voit que c'est une autre religion qui prend la relève. Alors, une autre religion ou d'autres, ça je ne sais pas, parce qu'on pourrait aussi parler de la Chine, et puis je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de Yahvé, moi. Pierre, donc, Ça, c'est intéressant. aurait renié le Christ, c'est écrit noir sur Voilà. blanc, Avant que le coq chante. avant que le Et coq chante. trois fois avant que le Et, coq chante. oui, et c'est particulièrement intéressant quand tu vois qu'ensuite l'Église naît en réalité dans ses préceptes et dans ses premières lois en France, qui est le symbole du coq. D'accord? Et qui est Aha. le coq étant le symbole de l'éveil des civilisations. C'est le symbole des Gaulois aussi. Oui, de la France, Absolument, oui. les Gaulois, des Français, c'est en France, hein, les Gaulois. Voilà. Et puis, allez, ça se passe en plein dans cette période-là. Toujours est-il que c'est amusant l'anecdote du coq et du reniement par trois fois avant que le coq ne chante, quand on voit après l'Église qui décide d'appeler tous ses prêtres mon père. Et le pape lui-même, mon père. Donc c'est une forme de reniement qui se répète. Oui, Ben oui, oui. absolument. Oui, puisque Eh le oui. Christ lui-même a dit, vous n'appellerez personne mon père, vous n'avez qu'un père qui est dans les cieux. Qui a créé cette matrice? Eh bien, moi, je les appelle les faux dieux. Alors. Bon, les gnostiques les appelaient les archontes, qui sont créateurs de mondes d'illusions. Ils ont eu énormément de noms. Alors aujourd'hui, dans notre cycle, on va dire que le chef de ces gens-là, de ces faux dieux qu'on a pu appeler les Elohim ou autres, c'est Yahvé. Mais Yahvé a eu d'autres noms bien avant, et de toute façon, ils ne révéleront jamais leur véritable nom à leur créature. Donc ce sont des oui ce sont des nations qui des nations d'autres dimensions. Alors, ce sont forcément, puisqu'ils sont originaires de la matrice originelle à la base, et moi je les appelle les Légions Noires. Alors, car en réalité, ils étaient. Dans la matrice originelle, ils avaient ils étaient très favorisés finalement parce qu'ils expérimentaient donc la vie dans cette matrice parfaite et sublime, mais ils l'expérimentaient en ayant les facultés de réunies de beaucoup d'autres créatures qui vivent dans la matrice originelle. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'en tiraient pas une certaine Oui. un certain privilège. Là, Rock, le thème, tu sais que tu avais les anges qui entouraient Jéhovah, ou Yahvé, et puis le grand chef des anges, qui était le chef de la louange, qui était l'un des principaux parmi les archanges, et qui, bon, eh bien, ne comprend pas, tu sais bien comment ça se présente en vérité, il ne comprenait pas que l'homme, qui n'était pas une créature d'esprit, eh bien, prenne un rôle très important selon Yahvé. Et puis alors, c'est la séparation du thème des anges déchus. Donc un tiers des êtres célestes tombent du ciel. Le tiers des légions angéliques tombent, quittent le royaume. Oui, Ils mais sont sauf que c'est une vision relativement simpliste, en tout cas totalement erronée de la réalité des choses. Non, mais c'est C'est-à-dire pas que oui. déjà dans la matrice originelle, il ne viendrait à l'esprit de personne de créer l'être humain. L'être humain en lui-même est une abomination si tu regardes vraiment la situation telle qu'elle est froidement, la situation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va voir des choses qui sont splendides, magnifiques autour de lui C'est et c'est comme ce si... que disait Lucifer, en tout cas, dans le thème biblique. L'homme, c'est rien du tout, justement. Mais non, moi je te dis pas ça. Je te dis que c'est une abomination dans le sens qu'on ne donne pas une conscience à un animal aussi fragile. Aussi vulnérable, la conscience de quoi? La conscience de sa mort. Regarde par rapport aux autres animaux et regarde l'être humain dans quelle situation nous nous trouvons. C'est-à-dire que dans la matrice originelle, il ne viendrait à l'idée de personne de créer une créature qui serait soumise à son inéluctable décrépitude et souvent dans des conditions monstrueuses. Mais ça, là, tu poses une autre question. Là, alors, d'où vient l'homme? Là, on est dans une métaphysique encore. Alors, donc, si tu me poses cette Parce que question, d'où vient... oui. Quand cette matrice artificielle est créée par les faux dieux, par les légions noires, les archontes, par la monade, lorsque cette création artificielle naît, lorsque les archontes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vraiment interagir directement sur cette matrice, parce qu'ils n'en sont pas, ils décident ce que nous ferions si demain nous pouvions explorer d'autres planètes invivables pour nous. Nous enverrions d'abord des sondes, d'abord des rovers, ensuite des robots, et puis ensuite des humanoïdes, des gens à notre image. D'accord? Et ils remarquent qu'il y a un truc qui marche bien dans la matrice artificielle, qui s'est bien débrouillé pour y survivre, c'est l'ADN. L'ADN étant une hiérarchie de la matrice originelle qui s'est retrouvée prisonnière, qui s'est retrouvée enfermée là-dedans. Et l'ADN, qui est par nature originelle, éternelle, et qui expérimente la vie sous différentes coutures, parce que c'est sa manière d'être, c'est sa raison d'être. Se retrouve coincé dans un monde dans lequel le temps régit tout et invente un nouveau système, c'est-à-dire se sépare en deux pôles, mâle, femelle, et crée la procréation pour survivre à travers lui-même. Ils se disent, ça marche bien, l'ADN n'est pas con, finalement, il se débrouille pas mal, on pourrait l'utiliser. On va mettre un peu de nous dans un ADN et on va concevoir un être qui a suffisamment de conscience pour qu'on puisse suffisamment le manipuler et l'orienter pour faire ce que nous avons à faire dans cette matrice pour lui permettre de subsister à cette matrice, de garder l'équilibre. Et c'est ainsi que sont créés non pas l'homme au départ, mais différentes créatures qui se sont succédées en fonction des conditions qui régnaient sur les différentes zones de l'univers. D'accord. Et Donc. l'homme, il est l'homme à la base, c'est de l'ADN, c'est son principal serveur de mémoire, c'est son principal axe, puisque tout en réalité, tout est énergie. À côté de ça, Mémoire. il y a cette substance que j'appelle la bile noire, et qui est une espèce de lymphe que les faux dieux ont fait apparaître au sein de cet ADN, juste en bidouillant les soleils des cellules. Bon. Quand ces créatures dirigées par une conscience qui est l'ego, ont commencé à s'émanciper et à vivre au service des faux dieux et à travers lesquels ils ont pu diriger ce qu'ils avaient leurs affaires, ce qu'ils avaient à faire pour maintenir la matrice artificielle dans laquelle ils se trouvaient, plus ou moins prisonniers, parce que finalement c'était un propre piège qui s'était refermé sur eux. Et tu parles des archontes là. Oui, des archontes. Il y a eu un accident. Il y a eu un méga accident. C'est-à-dire que il se trouve que la matrice originelle ne pouvait pas laisser les choses perdurer comme ça, parce que tout simplement parce que cette matrice artificielle s'expand comme un cancer, se développe comme un cancer. Finalement, ça pourrait mettre en danger la matrice originelle. Et donc, il y a une véritable lutte, une véritable guerre qui s'instaure à ce moment-là, une guerre spirituelle, on pourrait dire. Et là, s'instaure une résistance avec une hiérarchie de la matrice originelle qui, bénéficiant, profitant de la faille qui a été créée par les faux dieux sur l'ADN des hommes, va pouvoir s'ancrer et va pouvoir elle-même, en tant que conscience, s'incarner sur la Terre, ce que les ésotéristes, les traditions vont appeler l'âme. À partir de ce moment-là, voilà ce que nous sommes. Je réponds à ta question. L'être humain, c'est ce canal d'ADN, cette énergie qui, par son filtre, arrive à s'adapter à toutes les conditions et arrive à s'adapter à cette matrice de matière et dépendante du temps, D'accord. avec l'ego, une autre conscience, avec un autre réseau de mémoire, et avec l'âme, le commando d'élite, qui est le super résistant, et qui n'est pas le truc flonflon et ronron et ronflant dont on n'arrête pas de nous servir les tenants de la spiritualité, si tu veux. Voilà, alors bon, ce sont des notions un peu complexes qui sont développées dans mon livre, entre autres choses. Mais à la limite, cette chute dont tu parles, Non, mais je ne disais pas que ça pouvait se calquer, hein, c'est seulement une question, toi, puisque tu médites sur toutes ces questions, comment tu voyais l'objet, tout simplement, hein, je pense que tu as bien répondu. oui, je dois dire que en plus, c'est des notions qui sont tellement Oui, délicates, tellement complexes oui. à développer que, alors c'est plus facile dans le cadre d'un livre que dans le cadre juste d'un entretien entre nous, parce qu'à la limite, c'est tellement vaste qu'on ne saurait que moi-même, pour l'instant, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Mais je veux dire que oui, enfin sinon, là, je te remercie personnellement pour l'explication, mais sinon, le thème biblique, ben finalement, il a un petit écho quand même, hein, parce que c'est là, c'est une matrice artificielle qui quand même procède d'une matrice originelle, même si c'est une rupture, c'est une autre, c'est une fausse, enfin c'est une autre, c'est une construction. Mais la chute des anges, les anges déchus, bon, effectivement, ben, font aussi un autre monde, puisque le monde qui n'était plus dans la perfection, finalement, voilà, c'est le thème biblique du paradis originel ou du monde Oui, mais qui est qui inversé. est. C'est comme l'histoire de Caïn, d'Adam, de tout est dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est dit. Il suffit d'avoir le bon décodeur. Et une fois qu'on a le bon décodeur, qu'on a compris où se situe et comment se situe la tricherie et jusqu'à quel point va la tricherie, sachez-le, c'est comme cette tricherie. Si vous prenez un microscope plus puissant que le mien, vous allez encore aller beaucoup plus loin dans le domaine, beaucoup plus loin que même moi je ne le soupçonne. Ça dépend juste de l'instrument. Mais qu'est-ce que tu dirais, bah alors, la matrice, plus précisément la matrice originelle, alors on a les archontes qui finalement s'extraient de cette matrice originelle et produisent quelque part un déséquilibre, puisque la matrice artificielle donc se vient en opposition à la matrice originelle, si j'ai bien compris. Oui, absolument. D'accord, mais alors, pour ce qui est de la matrice originelle elle-même, que peut-on dire dans le schéma biblique, on a, tu sais bien que l'ange Raphaël, l'ange Gabriel, ben finalement, ils se sont affrontés à Lucifer. Lucifer qui était l'un des chefs des anges, mais bon, il s'est rebellé, etc. Mais reste les deux tiers des anges qui sont toujours à chanter avec leur grande flûte, là, comme on voit dans Frangelico. J'étais à Venise et à Florence à l'âge de 19 ans, venant de Toulouse, et c'était une grande expérience pour moi de voir Frangelico au musée des Offices à Florence, avec des anges qui ont des auréoles évidemment dorées, et puis les grandes flûtes, les grandes trompettes, je veux dire, qui sont plus grandes qu'eux, et qui entourent le trône de Dieu le Père. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la matrice originelle? Est-ce qu'il y a des... Mais avant de parler de la matrice originelle, ah oui. Bon, malheureusement, on va pouvoir, parce que là, comme Olivier l'a rappelé tout à l'heure, moi j'ai un bouclage et on va pas pouvoir... Mais avant de parler de la matrice originelle, il faut bien commencer à parler de ce qu'on connaît, nous. C'est-à-dire, nous, on ne connaît pas la matrice originelle. On n'en parle pas. Il y aurait tellement à dire. On est aujourd'hui, nous, dans une illusion, dans une matrice artificielle. Moi, simplement, ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs, c'est qu'ils se posent la bonne question. C'est-à-dire, quand tu parles de Dieu le Père, on a l'impression presque que va jaillir devant nous un père bienfaisant avec une grande barbe blanche, un peu genre Père Noël. Quel père pourrait choisir comme éducation de torturer son enfant, de le mettre dans les pires des situations pour le faire évoluer et grandir et le faire progresser? Est-ce que tu crois qu'un père se dirait, tiens, peut-être en torturant mon enfant, peut-être qu'en le faisant mourir dans telle ou telle condition atroce, vivre telle ou telle guerre, conflit, avoir une vie laborieuse, misérable, etc., etc., dans tout ce que cette matrice peut nous réserver, hein, potentiellement. Moi, je ne connais pas de parents qui vont choisir cette philosophie-là. Si tu m'expliques et si tu arrives à me démontrer que spirituellement, notre âme, nous-mêmes, nous allons pouvoir nous améliorer et grandir et nous corriger juste sous l'effet de la torture et de la malveillance, moi, je ne crois pas que ce soit une bonne piste de recherche. Maintenant, si tu me démontres que si c'est bien pour évoluer spirituellement, il faut souffrir, il faut se laisser empaler, décapiter, égorger, vieillir, tout simplement, vieillir, tomber malade. Si tu me dis que c'est ça la solution pour grandir et en plus revivre ça ad vitam aeternam sans jamais se souvenir, hein, parce que quelle que soit la loi de Dieu le Père, que ce soit du côté des bouddhistes avec le karma, hein, où il faut se soumettre et il faut subir, parce que de toute façon c'est une façon de se libérer de son karma, de cette dette. Mais si à chaque fois que tu te réincarnes, tu te souviens pas de la dette, c'est un peu couillon. Et quant aux 10 commandements, là on va du côté de chez Yahvé, mais les 10 commandements, c'est pas seulement chez les Hébreux, c'est-à-dire que c'est suivi en fait par les trois religions monothéistes. C'est une alliance, c'est un pacte qui est signé à partir du moment où tu adhères à telle religion. Ces 10 commandements, il faut bien savoir que si tu en si tu déroges à un seul, tu es entre guillemets redevable, tu es encore en dette, comme pour le karma. Moi, je connais pas d'être humain sur cette terre en dehors du Christ, si tant est, je ne pense pas, moi je parle bien du Christ, je parle pas de Jésus. je ne connais pas, moi, à titre personnel, parmi mes voisins et amis, quelqu'un, quel qu'il soit, qui réussit à tenir ces 10 commandements tout au long de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 10 commandements sont un piège. Un piège mis en place par Mis en eux-mêmes, place, par les âmes, ben, pas par les âmes, par les légions noires, par les par la légions noires, par les sangs noirs, Les les sangs arcs. noirs, c'est encore autre chose. Les sangs noirs sont les hybrides dont je t'ai parlé tout à l'heure, que certains vont appeler, alors c'est le nouveau mot à la mode, qui était un ancien mot au 19e siècle, la cabale, que moi j'appelle, parce que je suis un homme de la fin du 19e, début 20e, je vais appeler, entre guillemets, les Illuminati. C'est des termes très génériques, hein, on est d'accord. D'accord. Mais enfin, disons que moi, tout ce que je le sens de ma question, c'était simplement pour voir comment tu places la représentation donc de cet univers Alors, faux par rapport justement aux représentations traditionnelles. Hein. Moi, personnellement, ma conviction personnelle Mais je t'ai expliqué que. est réservée. Non, mais je t'ai expliqué par rapport aux religions traditionnelles, je crois que j'en ai déjà dit pas mal Oui, là. tout à fait. Et je n'ai aucun souci avec les prêtres, les Oui. petits gens qui aussi ici pour telle ou telle religion et qui le font avec ferveur et avec foi, du moment qu'ils pratiquent dans l'amour de leur prochain, ce qui n'est pas l'apanage de toutes les religions. Mais simplement, je suis lucide. Je sais que ces organisations-là sont des organisations mafieuses et tous les signes Ben, nous bien le sûr. montrent. Tous les Ben oui. signes nous montrent. Donc, je suis très. Je regarde les choses platement et froidement. Je prends finalement les textes au premier degré. Et le souci, c'est qu'on passe à côté de certaines choses qui sont des évidences. Quand vous avez la prière Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, Ah, c'est vraiment étonnant, hein, Olivier, les etc. auditeurs n'auraient pas imaginé toutes ces genres Bon, de. mais Mais moi je priais la moi, Vierge ça Marie quand impose quoi. j'étais petit. C'est ma grand-mère qui m'avait appris la prière de la Vierge Marie. Voilà, bon, et Moi qu'on nous aussi. fait, on nous raconte que cette prière-là, il faut la prononcer en disant à un moment la fameuse phrase et ne nous soumets pas à la tentation. Mais si vous priez votre Père et si vous pensez que c'est Dieu, jamais Dieu ne vous soumettra à la tentation. Il y a un gros problème linguistique. C'est-à-dire Ah. qu'avec Vatican II, il y a eu une transformation de cette prière qui était un puissant égrégore, et qui, tout d'un coup, le tentateur, c'est qui? C'est pas Dieu, le tentateur. Ne nous soumets pas à la tentation. Donc vous vous adressez au tentateur. Votre père est le tentateur. Voilà la déformation, le détournement qui s'est produit. Normalement, cette prière à l'ancienne, c'était ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est deux notions totalement différentes. Vous voyez comment, par des petits détails, on arrive à modifier entièrement les choses. Ah oui, les thèmes de traduction, c'est super important. Après, vous avez en plus, dans cette Ben, même d'accord. prière, que ton règne arrive sur la terre comme au ciel. Alors les gens pensent qu'une fois morts, ils vont aller au ciel, au paradis, parce que le règne du Christ ou du Père est sur la terre comme au ciel. Mais la phrase, c'est que ton règne arrive sur la terre comme au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il arrive sur terre comme il est déjà dans le ciel. Ça veut dire qu'il arrive sur la terre et aussi au ciel. Comme quoi, Comme quoi, une savoir fois mort, vous êtes lire. toujours prisonnier de la matrice. Ah oui, on l'a interprété comme si donc il y a un royaume du Dieu Yahvé dans le ciel. C'est ce qu'on nous dit, alors que ce n'est pas. Ben, c'est la continuité de l'imposture. Vous Ouais. êtes dans un autre Truman Show. Et je pense, Chaud. les amis, si vous voulez, on Ouais. pourra reprendre un jour ce débat. Mais là, il faut vraiment, malheureusement. Mais oui, mais exposer la matrice, c'est sûr, c'est pas en un Non. quart d'heure, c'est même pas en Eh 30 oui, minutes, hein. mais C'est sûr. est-ce que on dispose de combien de temps, la Roque? Ah là, il faudrait qu'on conclue, Olivier. Parce Alors, que avec une vraiment, dernière question. c'est très grave, si tu veux, au niveau timing, là, ce qui se passe. Ah, alors, Ouais, mais c'était passionnant, hein. Ça veut dire que moi, est-ce je me qu'on suis peut faire régalé avec vous. une Vous êtes dernière des question? experts. Une dernière Oui? question avec le. Parce que je t'ai entendu parler récemment du pétrole. Quelle est cette théorie du pétrole avec la matrice? Mais parce que en réalité, si après forte réflexion il y a quelques années de ça, je me disais, mais comment est-ce que ces faux dieux qui ont toutes sortes d'apparences, en bref, j'ai regardé tous les cas de possibilités et la question que je me demandais, c'est comment, à quoi ressemble dans l'invisible, c'est-à-dire l'invisible étant aussi solide que notre dimension, simplement c'est une question de fréquence. Si tu te places sur une autre fréquence, tu vas te rentrer dans un autre monde qui va être tout aussi solide et qui sera régi simplement par d'autres lois. Je me suis dit, mais à quoi ressemblent ces entités? Comment font-elles pour prendre toutes ces formes, etc., etc. Et à force de recherches, d'études, etc., je me suis, m'est apparu comme une évidence que ça ne pouvait être qu'un petit dénominateur commun. C'est-à-dire que, en fait, ces entités qui ont le potentiel des quatre éléments, elles ont les potentiels de, comme je vous l'ai dit, dans la matrice originelle, d'avoir les facultés de toutes les autres hiérarchies. Donc je me pensais que je me suis dit qu'elle pouvait être non seulement solide, mais liquide, gazeuse, etc. Mais par contre, qu'elle ne pouvait pas demeurer indéfiniment dans notre dimension ou dans la matrice artificielle, sans quoi elle s'exposait aux rayons du soleil et que ça lui posait problème. Ce dénominateur commun par la simple logique qui m'est arrivé comme une évidence, c'est qu'il s'agissait de créatures en réalité microscopiques, se comptant en milliards de milliards de milliards, évidemment, susceptibles de s'agglomérer de toutes les façons possibles, de façon à pouvoir prendre toutes les formes possibles. Alors il se trouve, après, et puis depuis c'est exponentiel, que les exemples de ces créatures se sont multipliés, que ce soit dans les bouquins ou dans les films depuis ces derniers mois, ou dans les clips, etc. On les retrouve en réalité, on les retrouve de façon liquide dans la série X-Files, justement. Alors, maintenant tu me demandes pourquoi le pétrole? Je ne sais pas si tu n'as pas dû lire mon livre, donc je ne sais pas comment tu as eu cette information, mais évidemment, de par leur nature, comme ils ne sont pas bien dans l'élément, dans la matrice artificielle, un des endroits où ils peuvent être à l'abri, c'est à l'intérieur des planètes. Mais de temps en temps, ils ont besoin de monter à la surface pour contrôler l'animal humain. La créature humaine, voilà. Et notamment les sangs noirs qui sont chargés, eux, de beaucoup de cette lymphe noire, de cette bile noire qui provient des faux dieux par le détournement des soleils cellulaires. Mais bref, comment font-ils pour remonter de dimension en dimension, parce que eux vivent dans la septième sphère, la sphère où ils se sentent finalement le mieux, celle où ils peuvent, si tu veux, trouver à peu près un confort, ils remontent à travers les différentes couches de la planète Terre, et à un moment, l'élément le meilleur dans lequel ils se sentent, c'est le pétrole. quand ils arrivent dans notre dimension, ils peuvent circuler à travers les nappes de pétrole et apparaître jusqu'à la surface pour prendre possession de telle ou telle créature humaine ou pas humaine d'ailleurs. Et c'est pour ça que bah, forcément, toutes les zones où le pétrole affleure et où il y a beaucoup de pétrole sont des zones qui sont particulièrement sous l'influence des faux dieux. Oula. Ça alors ça va, c'est riche en conséquences, hein, en Bah, signification, hein, si alors, on il faut savoir que mon livre, réfléchit. hein, Vivre et mourir dans la matrice artificielle, petite pub au passage pour ceux que ça intéresse, eh bien, justement, c'est un peu le propos de mon livre Vivre et mourir dans la matrice artificielle, un petit peu de pub au passage, puisque mon livre, il a été conçu en exposant des faits dans ce que moi, en tout cas à mon niveau, à mon échelle, j'ai essayé d'être le plus cohérent possible de ce que je savais, de ce que j'avais compris, des informations qui m'étaient venues. Parce que tout ça est le résultat d'un travail de 15, 20 ans d'information à force de côtoyer des gens. Et puis aussi, On devine bien que ça travaille longtemps. de ma propre expérience depuis mon enfance. Ce livre a été conçu comme une bobine de fil. Une bobine, une pelote de laine, si tu veux. Mais de cette pelote dépasserait énormément de fils. Beaucoup de pistes, beaucoup de fils. Parce que le livre n'a pas pour vocation d'être exhaustif. Et l'intérêt pour le lecteur, c'est de pouvoir tirer une ficelle en fonction de sa propre sensibilité, et de tirer sur la bobine, et de tirer sur la ficelle, et de voir si par rapport à ses propres expériences, le livre rentre en résonance de ce que lui-même a vécu, et si ça réveille certaines de ses mémoires. C'est le but. Le but, c'est un appel non pas à la résistance, ça c'est inhérent, mais c'est un appel de la résistance à réveiller le commando d'élite qui sommeille en chacun d'entre nous. Très bien. Alors, Rock, comment peut-on se procurer ce fameux livre? Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, si l'émission est diffusée dans pas trop longtemps, Alors, elle sera diffusée au mois de mars, hein. alors au mois de mars, bah, je ne sais pas au mois de mars où on en sera, mais pour commander le livre, il suffit enfin, il faut le commander parce que pour l'instant, mais je ne sais pas si en mars ce sera toujours le cas, je pense que oui. Pour l'instant, le plus simple est encore de le commander à Eden Edition ou à Top Secret. Les gens n'ont qu'à acheter ou en tout cas regarder en librairie le magazine Top Secret. Ils trouveront sûrement en quatrième de couverture toutes les modalités pour commander le livre. Ou via ton site internet Top Secret Ou aussi, hein. via le site internet topsecret.fr, tout à fait, On va aussi rappeler que ton magazine est disponible tous les 2 mois chez les bons libraires et même les centres commerciaux style Leclerc, Auchan, Intermarché, j'en passe, hein. dans les kiosques aussi. Oui, les kiosques, les Oui, ça stations-service c'est aussi même, hein. absolument, ça c'est le fruit de voilà, c'est le fruit de 15 ans de travail de persévérance, de déterminé, de détermination et d'endurance. C'est-à-dire de régularité, 15 ans, un magazine tous les 2 mois avec une toute petite équipe. Et félicitations parce que j'ai même remarqué que même dans des toutes petites villes de Lorraine, on trouve ton magazine, hein, dans des petites villes de Lorraine. Donc là, franchement, chapeau, quoi. Ben, merci Olivier. Ouais. J'ai toujours pensé que dans la vie, quand on n'a pas de quand on n'a pas de passe-droit, finalement. On arrive toujours à trouver sa place à l'usure. Merci encore beaucoup du temps que tu as accordé à UFO Conscience, Rock. Et je tiens aussi à te remercier pour la pub que tu as fait, que tu me fais depuis 1 an dans ton magazine, en tant que partenaire dans ton magazine. Même si c'est juste une petite bannière, ça me fait énormément plaisir et je Et voulais on te va remercier. continuer. Merci beaucoup et c'est grâce aussi Okay. à Demians, parce que c'est lui qui nous a mis en lien tous les deux, enfin avec ton magazine. Donc on remercie aussi Demians. Voilà. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup les amis, merci Jean, Oui, merci ben Olivier. merci Rock. On a fait un bon moment et j'espère que tous les auditeurs seront contents, tous les amis de Top Secret. Merci pour pour ce temps que tu nous as donné, Rock. C'était un très très beau moment, du début à la fin, pour moi et j'espère pour tout le monde. J'en suis certain. Merci. Et puis bon, j'espère refaire une émission parce qu'on n'a pas pu poser toutes nos questions. On a été pris par le temps, hein, quand même. C'était déjà long. Mais à vous sûr. De connaissances qu'on a pris, c'était très agréable, mais bon, ça nous a pris une heure, quoi, c'est clair. Ouais, c'est et clair, ben, voilà. Et ben bon courage pour le bouclage du nouveau Top ouais. Secret, alors, Rock. Oui, j'y vais de ce pas, et merci à vous deux. Merci, j'espère que tes auditeurs seront pas trop choqués par toute notre discussion sur... Non, t'inquiète pas, ils sont rodés, je pense qu'ils sont habitués d'entendre de ce genre de choses, et t'inquiète, ça va le faire, quoi. Bon, merci beaucoup, Rock. Passe une bonne nuit et puis à la prochaine. Merci à vous deux. Merci, bonne nuit à vous. Salut, bye bye. On reste en contact. À bientôt. Salut, Rock. Au revoir.